Le théâtre populaire Juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand et une réalisation d'Evelyne Frémy, L'autre danger de Maurice Donnet, avec Sylvie Hartel, Claire, Maud Reyère, Madeleine, Christian Riel, Frédière, Jean Levray, Étienne Jadin, Henri Poirier et Nadia Barentin, Monsieur et Madame Ernstein, et Pierre Ferval, Luc Ponette, Jacques Josselin, Robert Daram, Claude Barret, Odile Poisson, Olga Nilza, André Gire, Fanny Marette. Voici la présentation écrite par Monsieur Maurice Bertrand. À la fin du siècle dernier, Maurice Donnet débutait au cabaret du Chat Noir de Rodolphe Salis. Et René Dorin précisait qu'il avait été président d'honneur du syndicat des chansonniers. Par la suite, il devint un maître du théâtre du boulevard et, avec Lysistrata et Amant, apparut comme un délicat observateur des mœurs de son temps. Ce prince des pièces légères, de la facilité ingénieuse et de la nonchalance heureuse, a écrit Gustave Lanson, raillait non sans approter l'autocratie du monde de l'argent et du plaisir, gardant sa mansuétude et sa compassion pour ceux qui sont faibles ou qui souffrent. Mais il a créé également des figures de femmes, de couples d'amants, qui se distinguaient en leur temps par une physionomie et un accent particuliers. Cependant, on a dit que Maurice Donnet hésita constamment entre la pièce qui plaît, ironique et savoureuse, et celle qui ferait violence. Aujourd'hui, il semble que cette disposition d'esprit a peut-être contribué au vieillissement de son théâtre. Lysistrata et Amant ayant été diffusés plusieurs fois, Juin 44 présente L'autre danger, qui évoque un conflit humain et permettra de juger impartialement de la valeur actuelle d'un art dramatique qui a enchanté une génération. À Paris, au mois de juin, chez les Erstein, qui habitent un hôtel avec jardin. J'ai fait servir le café dans le jardin. Par cette chaleur, j'ai pensé que vous préféreriez le prendre dehors. Oui, c'est une excellente idée. C'est admirable d'avoir un parc en plein Paris. Oh, un parc! C'est à peine un jardin. C'est très grand. C'est tout petit. On ne voit pas les murs à cause des arbres, mais ils ne sont pas loin. C'est égal, je m'en contenterai. Vous avez des arbres magnifiques. Nous avons même un cerisier. Un vrai cerisier? Et qui donne de vraies cerises. Oui. Nous en avons eu 23 cette année. Combien? 23. Mon mari a même calculé que chaque cerise nous revenait à 5000 francs. N'est-ce pas, Léon? Oui, oui, 5375 francs, pour être exact. Enfin, c'est déjà très heureux qu'il ait donné des cerises. Si on peut appeler ça donné. Oui, si on peut appeler ça donné. Ce brave Jadin, hein? Ça fait plaisir de te revoir. Ce vieux camarade. Vous venez souvent à Paris, madame? Oh, souvent, non. Nous y venons une fois chaque année vers cette époque. Pour voir ma sœur qui est mariée. Ainsi, tu viens tous les ans à Paris et je ne te vois jamais. Oh, dans les premières années qui ont suivi notre sortie de l'école, nous nous voyions encore assez souvent. Tu ne serais jamais passé par Paris sans venir me serrer la main. Tu me donnais tes nouvelles de temps en temps. Et bien alors, tout d'un coup, plus de nouvelles. Hein, plus rien. Et encore cette fois-ci, si je ne t'avais pas rencontré par le plus grand des hasards... Tu, mon cher ami, on se perd de vue, c'est forcé. D'abord, tu as séjourné assez longtemps en Tunisie. Mais c'est vrai, ça. Et puis j'habite Grenoble, et puis je me suis marié. Oh, papa, voilà une raison. Moi aussi, je suis marié. Oh, nos situations sont tellement différentes. Ah, tu as marché, toi, à la bonne heure. Je savais que tu avais de grosses occupations, que tu t'étais lancé dans d'immenses affaires. Alors, je me disais... Tu te disais des bêtises. Tu savais bien que j'aurais toujours eu le plus grand plaisir de revoir un vieux camarade comme toi. Plus qu'un camarade, un ami. Enfin, nous étions très liés à l'école. Monsieur Jadin, de la chartreuse, du curaçao, du cognac. Ah, je prendrai un peu de cognac, madame. Bien. Je regrette, madame, que votre mari soit resté aussi longtemps sans venir me voir. Cela a retardé pour moi le plaisir de vous connaître. Vous êtes trop aimable. Je ne savais pas que Jadin avait épousé une femme aussi charmante. Tout à fait charmante. Alors, vous ne venez à Paris plus qu'une fois par an? Oui. C'est bien peu. Paris doit vous manquer, pourtant. Pas du tout. Oh, en tout cas, vous lui manquez. Oh, croyez-vous. Ah, ça ne fait pas de doute. Mais vous êtes parisienne. Non, je suis vendéenne. La Vendée fait bien les choses. Oh, sentez-vous, il commence à y avoir un peu de fraîcheur. Oh, ma chère amie, vous devriez mettre quelque chose sur vos épaules. Oh, c'est vrai. Oui. Ayez donc l'obligeance de faire dire à Armande de m'apporter mon boa de plume. Et vous, madame, vous ne craignez pas que la fraîcheur... Merci, madame. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Ah, je vois, madame, que vous n'êtes pas plus prudente que lorsque vous étiez jeune fille. Monsieur, lorsqu'elle était jeune fille, elle obéissait sans doute à ses parents, mais moi, je n'ai aucune autorité sur elle. Si vous écoutez les plaintes de mon mari, vous n'avez pas fini. Encore, pour vous, elles sont nouvelles. Mais moi qui les connais, je m'en vais. Restez au moins pour vous défendre. Je préfère compter sur vous. Les femmes ne sont vraiment pas prudentes. Ah, c'est certain. Ma femme ne pensait pas, en venant ici ce soir, retrouver un ami d'enfance. N'est-ce pas? Vous avez été élevés ensemble, pour ainsi dire. Oui. Oh, vous savez ce qu'est l'existence en province, dans une petite ville. Nos familles se voyaient beaucoup, les maisons de nos parents étaient voisines. C'est une jolie ville, Clisson. Et c'est une vieille ville charmante. Ah, malheureusement, elle se modernise de jour en jour. Vous n'étiez pas à notre mariage, n'est-ce pas? Non, je n'y étais pas. Ah, c'est ça. Parce que je ne me rappelle pas vous avoir vu. Et je me souviens très bien d'avoir été présenté à vos parents. Oui, j'étais à Paris. Je passais un examen de droit ce jour-là. Et ils vont bien, vos parents? Je n'ai plus que ma mère. Ah. Enfin, vous avez fait parler de vous depuis ce temps-là. Oh. À chaque fois que vous plaidiez une cause retentissante, nous lisions votre nom dans les journaux, Maître Fradière. Et je disais à ma femme, tu vois, ton ami d'enfance est devenu un avocat célèbre. Oh, croyez-vous qu'il a fait une chaleur aujourd'hui? Et ce n'est pas fini. Il paraît que nous allons avoir un été abominable. Ah, à quoi voyez-vous ça? On a observé des taches sur le soleil. Oh, le sale. Ah, c'est affreux de rester à Paris par un temps pareil. Vous êtes obligée, madame, de rester? Obligée? C'est-à-dire qu'il y a une fête de charité à la fin de la semaine, chez la duchesse de Mortagne, et une garden party avec une représentation théâtrale. Oh, mais ce sera charmant. Et je dois chanter un duo avec monsieur de Meillan. Mais après, je partirai pour la campagne. Ah, voilà encore un préjugé. La campagne. Oh. Mais Paris est 100 fois préférable, quand on est installé comme vous l'êtes. À quoi bon quitter ça pour aller en Touraine, où il fait beaucoup plus chaud qu'ici? Non, c'est vrai. Mais ce soir, regardez. Quel calme. Quel silence. On peut se croire loin de Paris. Vous avez des fleurs, des arbres, un cerisier. Vous entendez les oiseaux chanter. Nous avons même 3 poissons rouges dans un petit bassin en marbre. Alors que voulez-vous de plus? C'est absolument la campagne. Oh, aimez-vous les poissons rouges, madame? Mon Dieu, madame, je ne les crains pas. Oh, moi, je les adore. J'en suis folle, je les trouve exquis. Souvent, je m'amuse à les regarder pendant des heures. Je me demande à quoi ils peuvent penser. Et vous? Oh, je pense que vous êtes un insolent. Vous êtes à Paris pour quelque temps, madame? Nous repartons demain matin. Déjà? Ah, vous habitez Grenoble, je crois. Oui, Grenoble. Non, je ne connais pas du tout. C'est joli. C'est une jolie ville de province. Oui, on y fabrique des gants. On a élevé une statue à M. Jouvin, tandis que Stendhal n'a pas même son buste. Oui, et alors? Alors c'est tout. Ah, je croyais que vous alliez raconter une histoire. Oh, je m'en garderai bien. C'est drôle de parler pour ne rien dire. N'est-ce pas? Et il faut que vous repartiez demain. Oui. Mon mari n'avait que 15 jours de congé. Il faut qu'il soit à son poste vendredi matin. Tu es encore assez tenue, hein? Oui, je suis très tenue. J'ai tout juste un mois de vacances que je prends en 2 fois. Ah, tu sais bien ce que c'est qu'une administration, on n'est pas du tout son maître. Il faut être là, même s'il n'y a pas grand-chose à faire. Avant tout, il ne faut pas déplaire au grand chef. Enfin, tu ne dois pas trembler devant les grands chefs. Tu dois avoir au chemin de fer une situation qui te permet... Pas du tout, pas du tout. On avance très lentement dans ces boîtes-là. À moins d'être recommandé. Oh, alors là, ça va tout seul. Oh, c'est pas une carrière brillante. On a bien des déboires et des désillusions. Tu fais toujours des ponts? Oui, des ponts, des gares, des magasins, enfin, toutes les études qui concernent ma section. Et ça t'intéresse? Oh, c'est pas passionnant, c'est toujours la même chose. Oui. Alors ça devient de la routine. On s'abrutit, et sans être envieux, on On peut s'empêcher de se dire que ce n'était pas la peine de sortir le premier de l'école pour voir les autres passer devant soi. Ah ben c'est vrai, tu es sorti le premier de l'école. Mais oui. Tu vois que ça ne m'a pas servi à grand-chose. Ah, je me rappelle, tu étais un sujet tout à fait remarquable. C'est même toi, tiens, qui a fait mon projet de sortie. Et c'est grâce à toi que j'ai mérité mon diplôme d'ingénieur. L'avant-dernier, il est vrai. Ça ne t'a pas empêché de réussir. Parbleu, sans cela, il ne s'en vendrait pas. Et même, il y met de la coquetterie. Oh, de la coquetterie. Mais c'est un sentiment bien naturel. Quand on a passé pour un crétin aux yeux de toute une promotion, il y a un rare plaisir à en appeler de ce jugement précisément devant le premier de cette promotion. Les premiers sont les derniers. Ah, ce n'est pas une vérité absolue. Mais en général, ces classements d'école sont bien illusoires. Et la vie se charge de les modifier. Mais nécessairement, il y a à l'heure actuelle dans toutes les carrières un tel encombrement. Et puis, il faut tout dire, il y a la chance. La chance! Quand je songe à la carrière rapide, foudroyante de quelques-uns de nos camarades. Tiens, tu as connu Devigny à l'école? Ah oui, je me rappelle, oui. C'était pas un aigle. Je me souviens pas de lui comme d'un aigle. Et ça vous aurait frappé. Oui, eh bien, voilà un garçon, en sortant de l'école, il était entré comme dessinateur à Lille, chez un fabricant de machines à vapeur, qui avait des filles. Ah, Devigny était un très joli garçon. L'aîné des filles l'a remarqué. Elle l'a même remarqué à un tel point qu'elle est devenue enceinte. Naturellement, Devigny est épousé. Le beau-père est mort, et son gendre est maintenant à la tête d'une belle usine. Moi, je trouve ça très bien. Bon, c'est piquant. Oui, on reconnaît, c'est piquant. Mais c'est pour vous dire par quels moyens on arrive maintenant. Bon, il ne faut pas généraliser. Devigny a profité d'un physique avantageux. Mais comment expliquer la fortune d'un homme comme Arduc, par exemple? Ah non, alors Arduc, enfin, songe donc, Arduc. Mais qui est donc ce Arduc? Imaginez-vous le garçon le plus médiocre, qui ne savait rien de rien, qui ne comprenait rien à rien. À la dernière exposition, à force d'intrigue et de protection, il obtient des petits travaux à faire. Entre autres, un kiosque à gaufres qu'il avait élevé sur un rocher, au milieu d'un petit lac. Au premier coup de vent, le kiosque est tombé à l'eau. Eh bien, on l'a décoré. Il est à présent architecte du gouvernement, comblé d'honneur, parce qu'il est le fils de son père. Et combien pourrais-je vous en citer comme celui-là? Oh, d'ailleurs, tu le sais bien, il n'y a qu'à feuilleter l'annuaire de l'école, c'est très édifiant. L'annuaire? C'est un livre admirable et d'un enseignement merveilleux. Par où en sont les autres, on constate exactement où l'on en est soi-même. Excellent exercice de comparaison. On s'enorgueillit du chemin que l'on a fait, on plaint ceux qui sont restés en arrière, dans une situation inférieure, à leur place, en un mot. Mais alors, contre ceux qui sont arrivés aux plus hautes situations, on s'indigne, on s'étonne, tout au moins. Et c'est l'ensemble de ces sentiments, mépris, égoïsme, jalousie et même haine, qui constituent à proprement parler la camaraderie. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Oui. Et ton cousin, le constructeur, là, Georges Einstein, qu'est-ce qu'il devient? Oh, alors là, mon pauvre cousin, il n'a pas eu de chance, lui. Il est complètement ruiné. Puis alors, avec sa patte santé, incapable de remonter sur sa bête. Qu'est-ce que tu me dis là? Mais c'est tout nouveau. C'est pas vieux. Il y a 2 mois. Alors sa maison? Je la reprends. Mais je lui avais prêté 200 000 francs, je tenais pas à les perdre. Je voulais donc pas le laisser faire faillite. Puis d'abord, c'est mon cousin, hein. Nous portons le même nom. Puis c'était le seul moyen que la maison ne fût pas revendue dans des conditions désastreuses. Oui, tu as bien fait. De sorte que me voilà à la tête d'un atelier de construction métallique. Faut même que je trouve quelqu'un pour s'occuper de la partie technique, parce que moi, tu ne connaîtrais pas quelqu'un par hasard? Ma foi, non. Mais en fait, j'y pense, là. Puisque tu ne parais pas satisfait de ta situation dans ton chemin de fer, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Venir avec toi, comment? Comme directeur associé. Tu aurais des appointements fixes, une part dans les bénéfices. Pour ça, je suis tranquille, nous mettrions toujours d'accord. Plus tard, tu pourras me racheter la maison. Hein? Eh bien, que dis-tu? Je ne sais pas. Il me propose ça comme ça, tout à coup. Ah, tu regardes ta femme. Ah, t'as raison, tiens. Il faut toujours regarder sa femme. Surtout quand elle est jolie. Voyons. Qu'en pensez-vous, madame? Oh, dans ces questions-là, mon mari est seul juge. En tout cas, il faut réfléchir. Réfléchir à quoi? Je connais Jadin. C'est un ancien camarade, un ami. Je sais ce qu'il vaut. Croyez-vous que ce nouveau genre de travaux puisse lui convenir? Ça demande peut-être un apprentissage. Mais ma chère amie, je ferai chez Einstein ce que je fais depuis 12 ans au chemin de fer. Ce sont les mêmes travaux. Je connais ce métier-là. Et puis alors, avec toi, je pourrais faire des choses très intéressantes. Et ainsi, pour commencer, je suis très lié avec Arduc. L'homme au kiosque? Précisément, oui. Et par lui, j'obtiendrai des travaux importants pour l'exposition, dont il est un des grands lamas. Tu vois, il ne faut pas en dire du mal. Mais je n'ai pas dit de mal, son kiosque est tombé dans l'eau, ça peut arriver à tout le monde. Je te le répète, il y a des choses très intéressantes à faire. D'ailleurs, si tu veux venir avec moi dans mon bureau, je te montrerai les plans. Arduc me les a prêtés justement ces jours-ci. Tu peux te rendre compte, hein, ça ne t'engage à rien. Oh, mais certainement, certainement. Vous savez qu'Einstein considère déjà la chose comme faite. Il va un peu vite. Ah, il est comme ça en tout. Et quand ses décisions sont mauvaises, il a du moins l'excuse de les avoir prises rapidement. Ça n'est pas une excuse. Que sont donc devenus ces messieurs? Ah, c'est étonnant comme vous êtes à la conversation. Oh, vous disiez des choses qui n'avaient aucun intérêt. Ces messieurs sont en train d'examiner les plans de la prochaine exposition. Ah, votre mari veut entreprendre des travaux considérables. Ah? Oh, dites donc, Meillan, vous savez que vous n'êtes pas ici pour vous amuser. Nous avons à travailler. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons répéter les duos que nous devons chanter vendredi à la garden party de la Duchesse de Mortagne. Ah, comme ça, après dîner, vous n'aurez plus de voix. Oh, il faut bien que nous répétions. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est dans 4 jours. Et Meillan n'est jamais libre dans la journée, on ne peut pas mettre la main dessus. C'est à se demander où il passe ses après-midi. Alors, je profite de ce qu'il est là. Vous voyez, madame, que je ne me gêne pas, vous m'excusez. Mais vous avez bien raison, madame. Venez-vous, Meillan. Ah, la façon dont madame Einstein se débarrasse de nous et nous prie de rester à notre place ne manque pas d'une certaine désinvolture. Il n'y a là rien que de très naturel. Oui, enfin. Comment trouvez-vous, monsieur de Meillan? Distingué. C'est un très joli garçon. Voilà pour le physique. Autrement, je n'ai guère pu le juger. Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne l'ouvre que pour chanter. Ah. Et il faut être juste, il chante bien. Ah. C'est même en chantant qu'il a touché le cœur de Madame Einstein. Vous savez qu'elle en est folle. Pourquoi dites-vous cela? Parce que c'est la vérité. D'ailleurs, vous vous en êtes fort bien aperçu. Moi, pas du tout. Allons donc. Je vous assure que non. Mon caractère n'est pas de soupçonner le mal comme ça, sans savoir. Et puis, même en supposant que ce soit vrai, il est étrange que vous parliez si légèrement d'un amour qui est peut-être toute la vie de cette femme, et qu'elle croit secret. Je vous en parle légèrement parce que c'est ainsi qu'il convient de parler de choses légères. Et puis enfin, ce n'est pas indiscret. Madame Einstein ne cache pas cette liaison. Pas assez, même. Elle l'affiche, presque. Vous voyez combien elle se gêne peu devant vous, qu'elle voit ce soir pour la première fois. Ah, c'est une femme que son mari délaisse et qui se console. C'est très malheureux. Oui, c'est malheureux. Elle était charmante, cette petite Madame Einstein, quand elle s'est mariée. Elle aimait son mari, elle ne demandait qu'à lui rester fidèle jusqu'au dernier jour. Mais Einstein n'a vraiment pas fait ce qu'il fallait pour ça. Alors, elle a cherché des distractions. Et puis, elle n'a pas d'enfant. Oh, ça n'aurait rien empêché. Oh. Si elle avait aimé cet enfant... Ah. Vous croyez donc qu'on ne peut être à la fois amante et mère? À la fois? Non. Il faut choisir. Qu'en savez-vous? C'est vrai, au fait. On ne sait pas. Vous avez des enfants? J'ai une grande fille. Oh, si grande que ça? Elle a déjà 12 ans. Elle est jolie, votre fille? Comment voulez-vous que je vous réponde? Pour moi, elle est la plus jolie. Mais elle vous paraîtrait peut-être insignifiante. Comment s'appelle-t-elle? Madeleine. Ah, quelle drôle de chose que la vie. Nous voilà tous les deux ce soir dans ce jardin. Ah, je ne savais pas en venant dîner ici que je vous rencontrerais. C'est vrai? Einstein m'a téléphoné seulement ce matin de venir dîner avec de Meillan et un de ses anciens camarades d'école, dont il ne me disait même pas le nom. Alors, quand je suis entré dans ce salon, que je vous ai aperçu, je me suis senti pâlir. Vous avez bien dû le voir, d'ailleurs. Je n'ai pas remarqué. Ah, vous n'avez pas remarqué. C'est possible. Enfin, de vous voir là, après 13 ans. Comprenez donc que c'est toute une époque de ma jeunesse qui ressuscitait soudain. Pendant tout le temps de ce dîner, je vous regardais. Vous n'avez pas changé. Vous êtes trop aimable. Certes, la jeune fille que j'ai connue est devenue une femme. Mais ça n'a pas été chez vous comme chez d'autres, une transformation, non. C'est une continuation, c'est autre chose et... c'est la même chose. La profonde expression de votre regard, la douceur prenante de votre voix, l'harmonie de vos gestes, tout ce qui fait votre grâce infinie, rien de tout cela n'a changé. Alors, une foule de sentiments que je croyais, ou plutôt qui n'étaient... Enfin, je suis très ému. Mais vous... Vous... Moi ? Oui, vous... Ça ne vous a rien fait de me revoir ? J'ai été surprise. Oui, vous avez été surprise d'abord. Mais maintenant ? Ça me fait plaisir. Ah, vous ne dites pas le mot qu'il faut. Je dis ce que je pense. Mais vous, vous me parlez avec une brusquerie. Oh. Vous feriez croire... Ma parole d'honneur, je ne sais pas, moi... Je... Oui, oui, je sais. Je sais ce que vous pensez. Je n'ai pas le droit de vous parler ainsi. Il n'y a rien eu entre nous. Non, évidemment, il n'y a rien eu au sens vulgaire où l'on entend y avoir quelque chose. Et pourtant, il y a eu tout. Il y a eu 6 années passées l'un près de l'autre, dans l'intimité la plus tendre, la plus fervente. Il y a eu mes rêves, mes espérances, mes désirs. Il est impossible que vous ayez oublié tout cela. C'était un roman d'enfant, comme il y en a tant. Vous n'étiez pas une enfant. 6 mois après, vous épousiez Jadin. Alors, je n'ai pas voulu assister à ce mariage. D'ailleurs, je vous détestais. J'espère que maintenant, vous m'avez pardonné. Je ne sais pas. Oh, vous ne pouviez pourtant pas m'épouser, vous étiez si jeune. C'est vrai, nous étions du même âge. Vous avez même 1 an de moins que moi. Pourtant, il faut bien croire que l'impression qu'a faite une jeune fille sur un cœur de 18 ans peut être profonde, ineffaçable. C'est bête ce que je vous dis, n'est-ce pas ? Oh, si, je le sens bien. Enfin, qu'est-ce que vous croyez ? Je crois... Mon Dieu, je crois qu'en ce moment, vous êtes en train de vous suggestionner vous-même. Et que ma présence soudaine a... pour quelques heures tirée de l'oubli où elle était raisonnablement ensevelie, votre première et lointaine aventure d'amour. Eh bien, vous vous trompez. Je ne vous ai jamais oublié, vous devez me croire. Car pour vaincre la pudeur que j'éprouve à vous dire des choses qui peuvent vous paraître aussi banales, il faut que moi-même je me sente profondément sincère. Autrement, ce serait trop facile et ridicule et inutile, puisque vous repartez demain et que je ne vous reverrai peut-être jamais. Voyez-vous, par cela seul que nous avons été élevés ensemble, que nous avons vu les mêmes horizons, il y a entre nous 1000 rapports de sensibilité qui nous lient plus étroitement que nous ne le pensons nous-mêmes. Et si lointain que vous apparaisse ce premier amour, j'y suis resté fidèle. Vous allez un peu loin. Mais oui, fidèle, par le souvenir. Ah, bien. Oh, évidemment, j'ai eu des liaisons. Mais pas bien dangereuse. Mademoiselle Blanche Guyot, par exemple. Comment savez-vous ? Ah, la renommée ! Vous êtes célèbre, on s'occupe de vous. C'est bien agréable. Non, je vous taquine. Non, j'ai appris ça par hasard il y a 2 ans pendant un séjour à Paris. Nous étions allés voir une pièce dans laquelle cette personne jouait et pendant un entr'acte, des gens parlaient d'elle dans une loge à côté de la nôtre. Et quelqu'un disait, elle est avec Fred hier. Voilà. Vous avez l'air contrarié. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Pas du tout, du tout. D'ailleurs, elle vous ressemble. Oh, je ne dis pas ça pour les besoins de la cause. Vous avez pu le constater vous-même, puisque vous l'avez vu. C'est vrai. C'est sans doute ce que vous entendez par votre fidélité. Oui. Il y a des hommes qui, dans des circonstances et sous des formes différentes, restent fidèles au même idéal, au même type de femme. Oh, c'est dangereux pour celles qui aiment ces hommes-là. Elles ont à craindre toutes les femmes qui leur ressemblent. C'est moins dangereux que si elles avaient à craindre toutes les femmes qui ne leur ressemblent pas. Il y en a bien davantage. Évidemment. Mais pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, on voudrait oublier, souvent on ne pourrait pas. Et quand bien même on ne garderait pas un culte fervent pour une certaine femme, 1000 images d'elle se sont formées dans le cerveau. Qu'une musique, un parfum, une couleur de ciel, un arbre, un mot... Les détails extérieurs les plus insignifiants font réapparaître avec une netteté singulière. Tenez, il y a 5 ans, après votre mariage, lorsque mon père est mort, Nous suivions pour le conduire au cimetière ce chemin creux que l'on appelle la cavée. Et où nous nous sommes promenés si souvent ensemble. Oui, je me rappelle. C'était un matin d'été. Et pourquoi me suis-je rappelé tout à coup d'une matinée semblable où nous suivions le même chemin? C'était la première fois que vous mettiez ce parfum dont vous vous servez encore. N'est-ce pas? Je l'ai reconnu. Oui. Vous en aviez trop mis. Comme quand on commence. Et vous attiriez un essaim de guêpes que vous enivriez. Oh, j'étais fort occupé à les chasser, vous riez. Et vous aviez très peur. Vous portiez une robe de toile blanche, semée de petits bouquets d'œillets, et un grand chapeau tout blanc, garni de roses trémières, avec des dentelles qui retombaient. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Eh bien, dans cette circonstance affreuse, tandis que je marchais derrière le cercueil de mon père, c'est donc à vous que je pensais. T'es curieux, n'est-ce pas? À quoi pensez-vous? Je pense à tout ce que vous me dites. Je ne savais pas que vous m'aviez aimé ainsi. Et ça vous fait plaisir? Je trouve cela très doux. Je suis très émue. Très troublée. C'est vrai? Oui. Mais à quoi bon parler de tout cela? À quoi nous sert-il d'évoquer ainsi le passé? Et puis, demain, je reprends ma vie tranquille entre ma fille que j'adore et mon mari. Que vous estimez. Et que j'aime. Oui. Que j'aime bien. Mais vous pouvez revenir à Paris. Vous avez entendu tout à l'heure, Ernstein vous en offrait le moyen. Je suis sûr que vous avez assez d'influence sur M. Jadot. Oh non! Oh non! Paris me fait peur. Chaque fois que j'y viens, je suis trop contente d'y venir. Les premiers jours, c'est une espèce de fièvre, une véritable griserie. J'en aime le bruit, l'agitation, et puis, bientôt, une lassitude immense m'envahit, une indéfinissable tristesse. À me sentir seule dans cette foule. Toute seule. Toute seule. Seule? Vous n'y venez donc pas avec votre mari? Mais si. Ah. Oui. Oui, c'est cette sensation-là qu'on éprouve dans certaines villes lorsqu'on y vient seul et sans amour. Alors la joie des autres vous devient insupportable. Il y a des matins de printemps où l'employé et la modiste qui passent en se tenant la main et en se souriant sont les jeunes dieux que l'on jalouse. Et certains soirs de fête, la ville entière peut être illuminée, embrasée. Elle paraît sombre si l'on ne porte pas en soi-même son illumination. Mais elle paraît plus sombre encore lorsqu'on est deux et que l'un des deux n'apporte dans le frissonnement qui l'entoure que la douceur amère de la fidélité et la poignante satisfaction du devoir accompli. Claire, laissez-moi tranquille, laissez-moi. Je suis lâche. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Je suis très heureuse. Et je n'ai qu'à rentrer chez moi, dans ma province. Pour retrouver la tranquillité, certainement le bonheur. Un bonheur auquel vous vous résignez. Non. Mais que je choisis. Que j'accepte librement. Et dont je sens tout le prix. Il y a un autre bonheur, pourtant. C'est celui d'aimer et d'être aimé. Oh, taisez-vous, taisez-vous. C'est mal ce que vous faites. Vous abusez d'un instant d'abandon et de faiblesse. Je vous demande pardon. Oh, évidemment, évidemment, c'est... Très intéressant. Ça me séduit beaucoup. Et puis je te dis, c'est une affaire faite. Hein. Je déjeune demain avec Arduc. Après déjeuner, j'aurai la commande. Ah, Claire, tu sais quelle heure il est? Je ne m'en doute pas. Minuit, il faut t'apprêter. Ah, je crois bien. Bon, il n'est pas tard. Ah, mais à Grenoble, il y a beau temps qu'à cette heure-là, les coccinelles sont couchées. Non, ne vous moquez pas. Madame, vous allez prendre une tasse de thé. Ou des boissons glacées, si vous préférez. J'ai fait préparer ça dans le petit salon. C'est que... Oh non, par exemple. Vous n'allez pas me laisser sauter sur les bras. Léon, oui. Insistez auprès de Madame Jadin. Tout de suite, cher ami, nous vous suivons. J'ai seulement un mot à dire à Madame Jadin. Faites donc. Venez-vous, messieurs. Oui. Oh. Est-ce ennuyeux que vous soyez obligé de partir demain matin? Enfin, je compte bien vous revoir bientôt. L'année prochaine. L'année prochaine? Mais avant! Avant? Je viens de causer très sérieusement avec votre mari. J'ai travaillé pour vous. Dans 2 mois, il est plus que probable que vous serez installé à Paris. Comment alors? Ça s'est décidé comme ça? Mais oui. Oh mon Dieu. Vous avez l'air atterré. Oui. Les choses nouvelles m'épouvantent toujours. Comme vous dites ça? Ça, je vous comprends pas. Je vous assure que ce que je propose à votre mari n'est pas à dédaigner. Il faut toujours saisir l'occasion qui passe. Elle ne passe qu'une fois. On n'a pas le droit de rester dans une situation médiocre, enfin, modeste tout au moins, lorsqu'on peut en occuper une plus brillante. Il faut toujours chercher à s'améliorer, à s'élever. Alors ne faites pas cette figure-là. Enfin, vraiment, moi, je croyais vous annoncer une bonne nouvelle. Je vous demande pardon. Mais cette décision prise si brusquement, si fatalement... Oui, si fatalement. Et puis tant d'événements qui viennent me surprendre ce soir... Attendez, tant d'événements, mais il n'y en a qu'un. Et des plus simples. Des plus simples? Non. Non, c'est tout un changement d'existence. Bon, vous aurez tout de même une existence plus gaie, plus vivante, plus en rapport avec vos goûts. Enfin, voyons, une femme comme vous, à Grenoble, hein? Alors quoi, c'est de la décentralisation, hein? Tandis qu'ici, nous vous distrairons, nous vous entourerons, nous vous fêterons. Enfin, vous êtes-vous ennuyé ce soir? Oh non! Ce sera tous les soirs la même chose. Allons, venez prendre une tasse de thé. Hein. Mais c'est ma foi vrai. Vous êtes toute tremblante. Quatre ans après, à Paris, chez les Jardins. Oh, rien à faire avec ce jeu-là. Donnes-tu des cartes? Non. Ah, naturellement. Bien sûr, grand-père. Tu ne dissimules pas assez ton mécontentement, alors papa voit tout de suite que tu es un sale jeu. Et il ne te donne pas de cartes. Mets-toi à sa place. Évidemment. D'ailleurs, j'ai le roi. C'est un bel homme. Ça me fait 4, et voilà mon jeu. Ah, t'as encore gagné. J'en ai une autre partie? Oh non, père, j'ai à travailler. Et puis je t'avouerai que je ne suis pas fou de l'écarter. Papa, ça t'ennuie de ne pas avoir ton frais d'hier pour te faire ta partie d'échecs? Ah, il me manque beaucoup. Bon, allons, je vais travailler. Mais comme ça, tout de suite, après ton déjeuner? Mais c'est mauvais pour la digestion. Mais tu ne te reposes donc jamais? Jamais, mère, jamais. Mais où est donc ta mère? Maman? Je ne sais pas. Elle doit être dans sa chambre. Mais qu'est-ce que tu fais donc là, la bichette? Je fais le portrait de grand-mère. Ah, oh, t'apprends donc le dessin maintenant? Maintenant? Il y a 4 ans que je l'apprends, puisque j'ai commencé lorsque nous sommes arrivés à Paris. Ah, si, je ne me rappelais plus, moi. Les envoyés du paradis sont des mascottes, oui, mes amis. Oh, je t'en prie, mon ami, ne chantonne pas comme ça. C'est insupportable quand on lit. Tu es comme une âme en peine. Je ne comprends pas qu'on soit désœuvré à ce point-là. Ah, je m'ennuie. Oh, tu t'ennuies. Occupe-toi, lis. Ah, t'as qu'à part le journal. Ah, tiens, prends-le. J'ai déjà lu. Eh ben alors, va te promener. Ah, bah merci. Mais oui, va te promener. Va faire un petit tour, ça te distraira. Avec ce temps-là, il pleut à verse. Grand-père, j'ai une idée. C'est aujourd'hui jeudi et la semaine du jour de l'an. Si tu allais à une matinée. Ah, ça, tiens, c'est ça. Et donne-moi un conseil, la bichette. Alors, veux-tu voir une pièce triste ou gaie? Veux-tu entendre de la musique? Mais qu'est-ce qu'on joue à l'opéra comique? Le domino noir. Ah, c'est joli ça, le domino noir. Oh, ben il faut pas t'en moquer. C'est une musique très agréable. Ah, mais je ne me moque pas, grand-père. Je respecte toutes les croyances. J'irai bien entendre le domino noir, mais rester assis pendant 3 heures sans bouger... Et... Oh! Il y a une matinée aux Folies Bergères pour les enfants. Mais c'est tout à fait son affaire. Il y a un promenoir. Tu pourras te promener. Eh bien, c'est ça. Tu viens pas avec moi, Cloto? Oh, appelle-moi Clotilde. Voyons, à nos âges, ces noms-là sont ridicules. Mais non, mon ami, je ne t'accompagnerai pas. J'ai des courses à faire. Il faut que j'aille au bon marché. Ah ben, je m'en vais. Ouais. Au vas-tu par là? Mais je vais dire au revoir à mon fils. Étienne travaille, ne le dérange pas, puisque tu vas revenir tout à l'heure. Et tu as raison. Mais je vais tout de même lui dire au revoir. Pauvre grand-père, il s'ennuie. Pourtant, pour quelques jours que vous venez passer auprès de nous à la nouvelle année, il devrait être content de nous revoir et ne pas trouver le temps long. Oh, depuis qu'il a pris sa retraite, il est ainsi. Encore à Grenoble, il a ses amis, ses habitudes. Ici, il est désœuvré. Est-ce drôle d'être comme ça? Moi, je ne sais pas ce que c'est que de s'ennuyer. Oh, toi, ce n'est pas la même chose. Tu es jeune. Les journées passent et je n'ai même pas le temps de m'en apercevoir. Oh, et puis tu es d'un caractère très gai. Oh, très gai? Ça dépend. Je suis très triste aussi quand je veux. Comment quand tu veux? Oui, j'aime ça être triste. Et comme je n'ai aucune raison de l'être, je m'amuse à faire des exercices de tristesse. Oh, mais c'est une distraction singulière. Je voudrais bien savoir, par exemple, comment tu t'y prends. C'est très simple. Je reste dans ma chambre, sans lumière, quand la nuit tombe. Alors les pensées tristes viennent toutes seules. Oh, quelle drôle de petite fille tu fais. Mais qui t'a appris ça? C'est l'abbé Condrame, tu sais, celui qui prêchait la retraite l'année de ma première communion. Le soir, à l'église, il nous faisait mettre à genoux et il nous disait « méditer ». Ça ne se commande pas. Non, c'est vrai. Eh bien, on méditait tout de même. On songeait à la mort, au jugement dernier, dans l'église où seule une petite lampe brûlait. Et... elle en sortait toute tremblante. Eh bien, il y avait de quoi. Surtout toi qui étais très exaltée à ce moment-là. Ça a duré assez longtemps. Tu voulais même te faire religieuse. À un certain âge, toutes les petites filles dont l'imagination est un peu vive croient qu'elles ont cette vocation. Tu as dû passer par là? Jamais. Ah, oui, toi peut-être. Mais je suis sûre que lorsqu'elle avait 13 ou 14 ans, Tante Alice voulait être religieuse. N'est-ce pas, tante? Tu as raison. Il semble que quelques-unes d'entre nous, dans le moment qu'elles vont devenir femmes, cherchent instinctivement un refuge contre le monde où elles pressentent qu'elles ne seront guère heureuses. Tu es triste, tante, aujourd'hui. Non, ça ne me change pas. Je n'ai pas de raison d'être bien gaie. Qu'y a-t-il encore? Est-ce que cette lettre de votre avoué? Oui, oui, il m'a écrit que je suis complètement ruinée. Mon mari a embrouillé, ou plutôt ordonné, ses affaires de telle façon qu'il n'y a aucun espoir que je rentre en possession du peu que j'avais. Mais tout n'est pas perdu. Frédière revient aujourd'hui. Nous le verrons probablement tout à l'heure. Tu sais combien il t'est dévoué, il te donnera un bon conseil. Il me conseillera de me résigner ou de faire un procès. Et il le gagnera. Il a tant de talent et ta cause est si juste. Tu as de belles illusions. Il ne suffit pas qu'une cause soit juste pour qu'elle triomphe. Mais c'est égal. Moi, j'ai la plus grande confiance dans Frédière. Outre qu'il est très éloquent, il a la réputation de n'avoir jamais plaidé que des causes honnêtes. Faire éclater la vérité, c'est tenter un miracle. Il l'accomplira. Je ne demande pas mieux. Ma tante, tu avais pourtant fait un mariage d'amour. Oui, d'amour. Tu vois où cela m'a conduite. Que ça te serve d'exemple. Mais pourquoi dites-vous ça à cet enfant, Alice? Ce n'est pas une raison, parce qu'un tel mariage ne vous a pas réussi à vous. À moi comme à tant d'autres. À ce compte-là, on peut en dire autant des mariages de raison. Et toi, grand-mère, as-tu fait un mariage d'inclination ou de raison? Oh, l'un et l'autre. Half and half. Oh, le mariage est une chose grave. C'est vrai. Le moment sera bientôt venu pour toi d'y songer. Oh, j'ai bien le temps. Eh, pas tant que ça. Dans 2 ans, tu auras 18 ans. Tu seras bonne à marier. Mais il ne s'agit pas de se marier pour se marier. Il faut pouvoir choisir. Et je veux connaître celui que j'épouserai. Mais comment le connaître? Mais tu le connaîtras forcément. Oui, mais je ne veux pas l'avoir rencontré dans un bal et me marier par présentation. Un mariage de convenance, quelle horreur. Là-dessus, j'ai mes idées. Et puis surtout, je veux épouser quelqu'un qui soit quelqu'un. Oh, tu es ambitieuse. Ça ne se trouve pas comme ça. Et il est bien rare qu'un homme très jeune soit quelqu'un, comme tu dis. Et je ne tiens pas non plus à un homme très jeune. Oui, je sais, les jeunes filles d'à présent n'hésitent pas à épouser des hommes déjà mûrs. Déjà mûrs? Mais il ne faut pas non plus exagérer. On est bien avancé si l'on est assorti sous le rapport de l'âge et que l'on s'ennuie ensemble. Une telle chose n'est pas à craindre avec un homme supérieur. Tandis qu'un imbécile est toujours vieux. Mais il me semble que tu as des idées bien arrêtées sur tout ça. Il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà quelqu'un en vue? Oh, ma foi, non. tu es devenue toute rouge. Pas du tout, c'est toi qui vois rouge. Voyons, Alice, regardez-la. J'ai le sang à la tête, il fait très chaud ici. Et puis, c'est ridicule, c'est stupide. Naturellement, maintenant que tu m'as dit ça, c'est fini. Ah non, grand-mère, je t'en prie, ne ris pas comme ça. Bien. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Bien, bien, je ne cherche pas à pénétrer tes secrets. Oh, mais je n'ai pas de secrets. C'est curieux qu'une jeune fille ne puisse pas parler de mariage d'une façon générale sans qu'aussitôt on prenne des airs entendus et qu'on fasse des personnalités. Comment ? Tu t'en vas ? Tu es fâchée ? Oh, pas loin du monde, grand-mère. Je m'en vais dans ma chambre parce qu'il n'y a pas moyen de causer sérieusement avec toi. Je croyais que nous étions entre femmes. Je me suis trompée. Voilà tout. Tu vas faire tes exercices de tristesse. Peut-être. Oh, c'est qu'elle a l'air vraiment contrariée. J'ai sans doute touché juste. Vous ne trouvez pas que tout ce qu'elle dit correspondrait assez au signalement de M. Frédière ? Non, pourquoi ? Mais vous l'avez entendu. Elle ne tient pas à épouser un tout jeune homme, mais quelqu'un qui soit quelqu'un. Et d'un autre côté, en fait d'homme, elle ne voit guère que M. Frédière dans l'intimité, car il vient fréquemment ici. Oui, il s'occupe de mon divorce. Et comme j'ai eu lui domicile chez ma sœur, il vient assez souvent dans la maison. Mais il y venait aussi avant. Je l'ai toujours vu. Il ne serait pas impossible que la petite l'eût remarqué. Et se fût monté la tête pour lui. Il a vu Madeleine toute petite, il la considère toujours comme une enfant. Oui, mais elle le considère comme un homme. Il y a peut-être là un danger, surtout si lui ne songe pas à l'épouser. Oh, tout ceci entre nous, hein. Et je vous en parle, c'est le cas de le dire parce que vous êtes là. Je n'en parlerai même pas à Claire, bien que nous soyons en excellents termes. C'est ma belle-fille, et elle entend que je ne me mêle de rien. Bah, après tout, je me trompe peut-être. Ah, c'est égal, elle est devenue rouge comme une pivoine. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Votre santé est toujours bonne, madame Jardin ? Comme vous voyez. Vous êtes ici pour quelque temps ? Nous repartons dans les premiers jours de la semaine prochaine. Ah. Et monsieur Jardin se porte bien ? Mais oui, je vous remercie. Il est allé aux Folies Bergères. Oh, oh. Oh, sur les conseils de sa petite fille. Ah, bon. Bonjour. Vous êtes revenu ce matin ? Oui. Vous avez vu votre mère ? Comment va-t-elle ? Très bien, elle ne change pas. Elle est vraiment extraordinaire pour son âge. J'ai reçu des belles fleurs. Je vous remercie. Vous voyez, elles sont admirablement conservées. Je vous demande la permission de vous quitter, monsieur. J'ai des courses à faire. D'ailleurs, je ne vous dis pas adieu, mais au revoir. Au revoir, madame. Ma sœur vous a dit qu'elle avait reçu une lettre de son avoué ? Nous n'avons pas encore eu le temps de causer. Voyons, vous avez cette lettre ? Tenez, voici. Merci. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas très bon. Croyez-vous que nous obtenions quelque chose ? Ce sera difficile. Votre mari est insaisissable, il demeure chez sa mère et fait ses affaires sous un nom d'emprunt. On ne peut pas exiger la liquidation ? Non, pas avant 3 ans. Que faire ? Il faut d'abord aller voir votre avoué, puisqu'il le veut. Dites-lui que je le verrai demain au palais. Oui, je vais y aller. Non, non, non, non. Ne t'approche pas. Je viendrai dans tes bras et sur tes lèvres, ici tout s'y oppose. Ma chère petite Claire. Ah, mon Jacques. Toute cette longue semaine sans te voir. Il n'y a cependant que 8 jours que tu es partie. Il me semble qu'il y a des mois. Jamais le temps ne s'est aussi lamentablement traîné. Je suis heureuse de te voir. Et toi, t'es-tu bien ennuyée au moins ? Pensais-tu à moi là-bas ? J'ai passé moi aussi une triste semaine. Et surtout un jour de l'an transi. Écoutez donc. Est-ce qu'on n'a pas sonné ? Si, je crois, oui. Ça doit être quelqu'un pour Étienne. On n'est pas très tranquille ici. Vous n'êtes pas du tout sorti ? Non. C'est-à-dire que nous sommes allés finir l'année chez les Ernstein. Voilà ce bon Frédière. Vous allez bien, cher ami ? J'espère que vous avez pris des vacances. Oh, une semaine à peine. Vous avez encore de la chance de pouvoir vous absenter même une semaine. Moi, je ne le peux pas. Quand je pense qu'en 4 ans, depuis que nous sommes venus à Paris, je n'ai pas trouvé un moment pour aller chez moi en Dauphiné. Vous êtes toujours très occupé. Ne m'en parlez pas. Avec ça, Ernstein me laisse tout à faire. Il ne s'occupe de rien. Il n'est jamais là. Il part ce soir pour San Remo. Ah, ça, il ne se tue pas. À propos, Claire, tu ne sais pas ce que je viens d'apprendre. Non. De Langlu sort d'ici. De Langlu ? Oui, oui, un ancien camarade d'école. Il m'a affirmé, il tient de sources certaines, qu'Ernstein va être nommé officier. Comment officier ? Oui, officier de la Légion d'honneur. Ce n'est pas dans la territoriale, bien sûr. C'est fait. La nomination va paraître dans quelques jours à l'officiel. Eh bien, Eh bien, c'est indigne, c'est révoltant, c'est monstrueux. Oh, monstrueux. Non, ouais, tu es bien comme les autres, toi. Parbleu, tu trouves ça tout naturel qu'Ernstein soit nommé officier, tandis que moi, ton mari, je ne suis rien, rien du tout. Tu admets aisément que ce soit moi qui travaille, qui m'esquinte comme je le fais, et que ce soit lui qui soit décoré. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ça m'exaspère, ça me révolte. L'injustice me révolte. Non, c'est pas que je tienne un misérable bout de ruban. Ah, grand Dieu, je suis au-dessus de ça. Mais bien alors? Bien, seulement dans tout ça, je trouve qu'Ernstein ne se conduit pas bien vis-à-vis de moi. Comment? Enfin, c'est par de l'anglu que j'apprends sa nomination. Il voulait sans doute vous en faire la surprise. Et puis surtout, je trouve qu'il manque de pudeur. Oui, il devrait avoir la loyauté, la pudeur de dire au personnage influent qu'il connaît « J'ai là à mes côtés un collaborateur consciencieux, un ami dévoué qui fait toutes les études de ses travaux pour lesquels vous me comblez d'honneur. Parce que moi, Ernstein, j'en suis tout à fait incapable et je suis resté ce que j'étais à l'école, c'est-à-dire un cancre, un véritable cancre. Voyons, est-ce vrai ?» Reconnaissez, cher ami, qu'il est bien difficile à Ernstein de porter un tel jugement sur lui-même. Enfin, tout de même, il ne faut pas exagérer. Ernstein n'est pas dépourvu de mérite. C'est un administrateur de premier ordre. Oui, il a surtout le mérite d'avoir de l'argent. Mais c'en est un. Par là, il vous évite les préoccupations matérielles. Et à des hommes d'études, comme vous, il faut avant tout la tranquillité. Ouais. Et l'obscurité. Et c'est comme pour ce dôme, le fameux dôme de l'exposition. C'est moi qui en ai fait tous les calculs. Je les ai recommencés plus de 10 fois pour être sûr de ne pas me tromper. Bon, c'est donc cette responsabilité. J'ai passé les nuits à travailler, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Tout ça pour arriver à quoi? À ce qu'il soit connu dans le monde entier sous le nom de Dôme Ernstein. Ah, le Dôme Ernstein, c'est admirable, c'est du plus haut comique. Ah, la gloire et la popularité lui sont venues facilement à celui-là, enfin. Enfin, je serai toute ma vie un collaborateur obscur. Je fais un métier de dupe. En quoi es-tu dupe? Ernstein a tenu ses engagements, il t'a fait une situation, il te donne une part dans ses bénéfices, c'est ce qu'il t'avait promis. Ces tourments dont tu parles, c'est toi-même qui te les crée. Et tu t'irrites là simplement pour des questions d'amour propre. D'amour propre? Tu as raison. Ah ben, tu en prends facilement ton parti. Bon, d'ailleurs, les femmes ne comprennent rien à ces choses-là. Les femmes parlent les femmes. Pourvu que le mari travaille, fasse de l'argent, comme on dit en Amérique, le reste importe peu. Il est là pour ça, le mari. C'est égal, j'étais plus heureux quand nous étions à Grenoble. Mais là-bas, ton irritation était la même. Tu voyais partout des injustices et des passe-droits. Tout te portait ombrage et tu ne cessais de répéter que la vie dans ces conditions n'était plus tenable. Enfin, exactement ce que tu dis maintenant et que j'avais prévu. Mais c'est entendu, j'ai un caractère insupportable, je ne peux rester nulle part, ni m'entendre avec personne. C'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Alors, puisque tu me connais si bien, fallait m'empêcher d'accepter les propositions d'Ernstein. Oh si, c'est bien malgré mes conseils que tu les as acceptées. Mais ta décision était irrévocable. N'intervertis donc pas les responsabilités. Au surplus, ce n'est pas la première discussion que nous avons à ce sujet, et ce ne sera pas la dernière, hélas. Tu as raison, mais tout est bien, tu es contente. C'est le principal. 3h30, il faut que je m'en aille. Où vas-tu? Je vais au chantier, voir où en sont les travaux pendant qu'Ernstein se prépare à se reposer de mes fatigues sur la Côte d'Azur. Avec ça, il fait un temps de chien. Tu ne peux pas remettre à demain? Demain, c'est aujourd'hui que j'ai rendez-vous avec l'architecte. Un rendez-vous d'architecte, ça ne se remet pas comme ça, enfin. Enfin, tu n'es pas forcé de savoir. Bon. Il pleut, mon Dieu, il pleut, ça n'a aucune espèce d'importance, comme on dit maintenant. Hein? Je pataugerai dans la boue, voilà tout. Qu'est-ce que je risque? Un rhume, mettons les choses au pire, une bronchite, une fluxion de poitrine. Allons. Au revoir, Fradière. Dites-moi, j'aurais besoin de vous parler à propos de ce brevet. Je voudrais bien éviter un procès. Je suis à votre disposition. Je passerai vous voir demain. Attendez, quel jour est-ce demain? Vendredi? Ah non, c'est que je ne pourrai peut-être pas. Bon, au fait, venez donc dîner avec nous, hein? C'est bien plus simple, nous causerons après dîner. Arrangez ça avec Claire. Tu l'as entendu? Tu vois que je n'exagère pas quand je te dis combien il devient désagréable. Il est resté celui qui est sorti le premier de l'école. Il ne supporte pas que dans la vie d'autres soient avant lui. Pauvre homme, il est à plaindre. Sans doute. Mais ceux qui sont autour de lui sont aussi à plaindre. Enfin, ne parlons plus de lui. Tu es là. Tu es là, c'est l'essentiel. Oh, vois-tu, j'ai tant besoin de me sentir aimée. Je t'aime, ma chère petite Claire. Et je t'aime davantage quand je te vois un peu malheureuse. C'est vrai. Alors, je voudrais l'être toujours. Ah, non. Non, ça n'est pas indispensable. Puis, je viens de rester 8 jours seule. Oh, il ne faut plus être absent aussi longtemps. Loin de toi, mon cœur a bien eu froid. Oh, ma pauvre chérie. Mais je le réchaufferai, ton cœur. Oui, nous avons besoin d'être l'un à l'autre. Écoute, je vais te dire au revoir. Déjà? Attends. Je vais rentrer chez moi, chez nous, où tout est préparé pour te recevoir. Et tu viendras me rejoindre tout à l'heure. Tu viendras? Hélas, je ne pourrai pas. Pourquoi? Il faut que je fasse une visite à Madame Ernstein. Oh, tu ne peux pas y aller une autre fois. Mais non, c'est son premier jeudi, c'est son premier jeudi. Oh, le diable emporte Madame Ernstein et son jeudi. Elle aurait vraiment pu choisir un autre jour. Elle ne le savait pas. Alors fais ta visite tout de suite. Et viens après. Après, c'est que je serai avec Madeleine. Ah, c'est juste Madeleine maintenant. Mais tu ne pourrais pas t'en débarrasser. Oh, m'en débarrasser. Je n'aime pas ce mot-là quand il s'agit de ma fille. Et bien sûr, quand il s'agit de ta fille, il faut peser ses paroles. Je finirai par la détester, cette petite, si elle se trouve toujours entre nous. On ne dit pas ça. Mais si, si, je le dis. Voyons, mets-toi à ma place. J'arrive ici, heureux de te revoir. Et tout se ligue contre ma joie. C'est la mauvaise humeur de ton mari, c'est le jeudi de Madame Ernstein, c'est Madeleine. Enfin, comprends donc que j'aurais désiré te sentir plus à moi. Je te demande une heure. Ce n'est pas beaucoup, pourtant. Depuis 8 jours, je vis dans l'espérance et dans l'attente de cette heure-là, et tu me la refuses. Je ne te la refuse pas. Je la désire autant que toi. Je t'explique pourquoi c'est impossible. Je viendrai demain. Oui, oh, demain, ce sera autre chose. Madeleine aura sans doute quelques cours de dessin ou de solfège auxquels tu devras la conduire. Il n'est pas question de ça. Mais ça n'est plus une enfant, c'est bientôt une jeune fille. Tu ne t'en aperçois donc pas? Alors? Alors tu devrais comprendre à quelles précautions je suis tenue envers elle. Quelles précautions? Mais songe donc, si jamais elle se doutait. Car il suffit d'un hasard, d'une imprudence de ma part pour que ce témoin, jusqu'ici candide, devienne clairvoyant et même un juge. Je suis obligée de l'emmener aujourd'hui. N'en conclue pas qu'elle est toujours entre nous. Mais certainement, elle est toujours entre nous. Ne parle pas si haut. Certainement, elle est toujours entre nous. Tiens, rappelle-toi, lorsque tu es venue à Paris, lorsque nous nous sommes retrouvés, c'est à cause d'elle que tu as lutté si longtemps contre moi, et contre toi-même, contre ton amour. Dans les commencements, lorsque je t'ai supplié de partir avec moi et de nous aimer librement, c'est encore à cause d'elle que tu es restée. Je ne pouvais pas l'abandonner, ni mettre dans sa vie un exemple pareil. Je ne te reproche rien. Seulement aujourd'hui, tu me fais prévoir que notre situation, déjà si compliquée, va se compliquer encore davantage, parce que ta fille grandit. Tu me fais prévoir dans notre amour encore plus de gêne, de contraintes, de ruses, de mensonges, de comédie, car c'est ça, au fond. Il y en a pourtant bien assez comme ça. Alors, dans ce cas, il vaudrait mieux avoir deux existences franchement séparées. Séparées? Comment ça? Je ne viendrai plus ici. Je te verrai chez moi, enfin, quand tu pourras venir. De cette façon, je resterai en dehors de tant de compromissions qui me blessent, me chagrinent et me rendent injuste. Oui, je le sens bien. Si nous n'avons que de rares instants à passer ensemble, je ne t'attristerai pas de ces récriminations qui jaillissent d'une existence irritante. Nous ne connaîtrons que des heures d'amour et d'étreinte. Est-ce que deux êtres qui s'aiment peuvent se contenter de ces heures-là seulement, si ardentes et si rapprochées qu'elles puissent être? Mais rappelle-toi, dans les commencements, nous avons essayé, nous n'avons pas pu. Quel prétexte d'abord donnerais-tu pour ne plus revenir? J'en ai bien trouvé pour venir. Oh, c'était plus facile. Les circonstances ont permis que tu deviennes le familier et l'ami de cette maison. Profitons-en. J'ai besoin. Comprends-tu, j'ai besoin que tu sois mêlé à ma vie, que tu sois dans ma vie. J'ai tout arrangé pour ça. J'y suis trop habituée. Et tu voudrais que brusquement... Mais ça peut se faire sans brusquerie. Oh. Alors c'est la fin de tout. Il vaut mieux en finir tout de suite, si c'est ça que tu veux, plutôt que de séparer nos existences comme tu le proposes. Mais moi, je ne le veux pas. D'abord, je ne le pourrais pas. C'est au-dessus de mes forces, rien qu'à cette pensée. Vois-tu, il me semble que je tombe dans un grand trou noir. Il me semble que... Oh, je ne sais pas, tout m'est égal. Tout m'est égal. Voyons, Claire, alors ne pleure pas. Je t'en prie, ne pleure pas comme ça. Si ta fille entrait, je suis désolé. Je ne croyais pas, mais... Non, mais tu ne m'as pas du tout compris. J'ai compris que tu me disais des choses effroyables. Mais non, non, non, mais raisonnable. Oh. Mais je n'ai fait que te suivre. C'est toi qui as commencé, tu m'as dit... Moi, je t'ai dit des choses raisonnables. Mais oui, mais oui. Tu m'as dit que Madeleine pourrait s'en apercevoir. Mais elle ne s'apercevra de rien du tout. Bah alors bien. C'est vrai, je ne sais même pas pourquoi tu m'as parlé de ça. Nous ne nous affichons pas, Dieu merci. Et puis, elle a pour moi une adoration qui l'aveugle. Elle est toute innocence, elle ne connaît pas d'autre jeune fille plus avertie. Elle est toujours restée auprès de moi, elle t'a toujours vue dans cette maison. Alors comment veux-tu qu'une telle pensée entre dans son esprit? C'est très juste. Tu ris. Je souris et tu pleures. Je suis doublement désarmée. Tu me trouves inconséquente. Oh, tu ne l'es pas plus que moi. Il ne faut pas me demander d'être héroïque. Oh, vois-tu, tu n'as pas besoin de me tourmenter. Et surtout, ne t'en prends pas à Madeleine. Ne la déteste pas, aime-la au contraire. Si tu savais quelle exquise compagne elle est pour moi, et combien le plus souvent la maison me serait pénible sans elle. Et puis, c'est la seule qui sache bien me parler de toi. C'est vrai? Pauvre petite. J'ai assez de remords de partager ma tendresse entre elle et toi, car elle m'aime exclusivement. Et c'est en quoi elle m'est supérieure. Oh, mais ce n'est pas la même chose. Une femme peut être à la fois une amante et une mère. Tu en es la preuve, passionnée. Oh. Elle aussi, plus tard, partagera sa tendresse entre toi et l'homme qu'elle aura choisi. Si elle la partage. Car elle peut se donner corps et âme à cet étranger. Et tu ne compteras plus guère. Oh, tais-toi, tais-toi. Tu dis peut-être la vérité. C'est à elle pourtant que j'aurais sacrifié la plus belle chose qui soit au monde. La liberté dans l'amour. Oui, la liberté dans l'amour. Ah, Claire, songes-tu parfois au bonheur qui nous sont défendus? Tiens, j'y pensais encore ce matin dans le train qui me ramenait vers toi. Songes-tu que nous ne voyagerons jamais ensemble, seuls, tous les deux, et qu'il existe pourtant des villes de rêves et des paysages d'émotions, et que nous mourrons sans les avoir jamais contemplés ensemble? Et jamais non plus nous ne pourrons vivre sous le même toit, dans la même maison, tranquille, dans l'intimité charmante des longues causeries, parmi les choses familières. Nous ne connaîtrons jamais la tendre continuité des heures. Ah, vois-tu, je trouve cette pensée-là poignante. C'est toute la tristesse d'une liaison comme la nôtre. Nous n'avons pas la liberté dans l'amour. Mais en revanche, je te donne tant d'amour. C'est vrai. Mais moi aussi, je t'aime. Je t'aime, je t'adore, tu le sais bien. Je ferai ce que tu voudras. Je te demande pardon de t'avoir fait de la peine. Et j'embrasse tes chers yeux qui ont tant pleuré. Oh, mes pauvres yeux. Auront-ils versé de larmes à cause de toi? Tu as été bien méchant tout à l'heure. Si méchant même. Que tu viendras demain? Oui. Et tu auras la maîtresse la plus fervente. Oh, attention, viens. Oh, comme il fait sombre ici. C'est vrai. La nuit vient vite. Bonjour, monsieur Frédière. Bonjour, Madeleine. Maman, tu sais qu'il est 5 heures. Ne devons-nous pas aller chez madame Ernstein? Je vais m'apprêter. Au revoir, madame. Je vais vous laisser faire votre visite. Vous vous en allez quand j'arrive. Savez-vous que ce n'est pas très poli? Vous pouvez bien rester un peu avec moi. Mais oui, oui. Restez donc avec Madeleine. Nous descendrons ensemble. Je n'en ai pas pour longtemps. À tout à l'heure. Vous devriez venir avec nous chez les Einstein. Non. Non, il faut que je rentre chez moi, j'ai à travailler. Vous avez fait un bon voyage? Oui, très bon. Votre mère se porte bien? Aussi bien que possible. Je vous remercie des chocolats que vous m'avez envoyés dans une magnifique boîte. Beaucoup trop belle même. Venez ici que je vous gronde bien fort. Non. Sérieusement, vous m'avez gâtée. Vous m'avez déjà remercié. Vous m'avez écrit une lettre charmante. Je crois qu'elle était charmante. Je suis contente de vous revoir. Vous n'avez pourtant été absent que 8 jours et il me semble qu'il y a beaucoup plus longtemps que vous êtes partie. C'est étonnant comme votre absence a fait un vide ici. Je suis tellement habituée à vous voir, à causer avec vous, alors vous me manquez. Et puis, vous êtes mon amie, n'est-ce pas? Mais certainement. Et vous avez reçu beaucoup d'étrennes? Je n'ai pas à me plaindre. D'abord, maman m'a donné une très jolie bague. Tenez, regardez. En effet, elle est très jolie. Oh, maman a tant de goût. Papa, lui, m'a donné un très bel album. Avec mon chiffre et un fermoir en or. Un album qui ferme à clé. À clé? C'est pour écrire mon journal. Ah, et Qu'allez-vous écrire là-dedans, sans indiscrétion? Dame, mes pensées, mes impressions. Ah, vous avez donc des impressions? Je ne sais pas. Je crois. Vous vous imaginez peut-être que je pousse comme une salade. Oh, une salade. Alors, vous avez décidé qu'à partir du 1er janvier de cette année, vous penseriez, vous sentiriez. À partir du 1er janvier, exactement. Vous l'avez dit. Et vous ne saviez même pas si bien dire. Oui, j'ai des sensations nouvelles. Des pensées sérieuses. Graves même. Je n'envisage plus la vie comme avant. Vous évoluez. Oui. Il ne faut pas sourire. Je sais bien que vous me considérez toujours comme une petite fille. Oh, quelle idée, je n'oserais pas. Et qu'est-ce qu'on vous a donné encore? Grand-mère m'a donné un bronze pour orner ma chambre. Un bronze artistique, puisque ça représente un amour qui fait des bulles de savon. Mon Dieu, comme tu es gaine. Tu as bien raison, va. Tu ne riras pas plus jeune. Je ne rirai peut-être pas plus vieille. Eh bien, nous partons. Alors, vous dînez avec nous demain, Frédière. Oh, quel bonheur qu'il dîne avec nous. Dix-huit mois après, chez l'Erstein. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites là? Tu le vois, nous prenons l'air entre deux airs. Et vous devriez vous rapprocher, avoir l'air au moins de vous intéresser à ce qui se fait. Vous n'êtes pas poli en restant ainsi à l'écart. Mon brave ami, nous ne bougerons pas d'ici. Dans une soirée comme celle-ci, chacun a ses attributions. La nôtre est de rester dans l'embrasure de cette fenêtre. Nous sommes les jeunes gens préposés aux embrasures. Eh bien, moi, je vais rentrer dans le grand salon. D'où tu n'aurais jamais dû sortir. Et où il y a des jeunes filles ravissantes. Je les connais, tes jeunes filles. C'est toujours les mêmes. Ah non, il y a une nouvelle. Une petite créature adorable. Oh, exquise, délicieuse, blonde, des yeux bleus, un petit nez. Oh, pas plus gros qu'une noisette. Une bouche comme une cerise. Une taille de guêpe. Une gorge. De guêpe, ne cherchez pas. Une gorge de jeune déesse. Des hanches. De guêpe, vas-y donc. Oh, comme c'est spirituel. Des hanches qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et qui ne le diront peut-être jamais. Et une attache de cou. Une nuque. Et vous savez si j'aime les nuques. Elles te le rendent bien. Et qui est cette merveille dont vous parlez comme le jeune Montaigu quand il vit pour la première fois Mademoiselle Capulet? C'est Mademoiselle Jadin. La fille de Jadin, l'associée d'Einstein? Mmh. Ah, je ne la connais pas, mais d'autorité, je préfère sa mère. Oh. Ah, d'ailleurs, chaque fois qu'on m'a présenté une jeune fille, je suis tombé éperdument amoureux de la mère. Oh, c'est nerveux. Ainsi, je donnerais toutes les jeunes filles qui sont ici, y compris sa fille, pour Madame Jadin. Ah. Ah, celle-là, quelle maîtresse incomparable ça doit être. Ce n'est pas votre avis? Je ne sais pas, moi, c'est à Frédière qu'il faut demander ça. Elle en est toujours très amoureuse. Ça dure depuis 5 ans. Il n'y a pas de raison pour que ça finisse. Mais vous verrez sa fille, elle est très bien. Prabert a beaucoup de succès auprès des jeunes filles. Il est joli garçon et il a des gilets personnels, c'est une entrée en matière. Et puis il ne manque pas d'aplomb. Sous son frac d'homme du monde, c'est un maréchal des logis. Il me rappelle ce favori d'une reine d'Angleterre qui, sous des dehors séduisants, cachait une âme basse. Oh bah dis donc, toi. Ça ne t'enlève aucune de tes autres qualités. D'abord parce que tu n'en as pas. Mais te voilà emballé sur cette petite Jadin. Tu vas te faire présenter, danser avec elle et lui dire des horreurs. Oh. C'est le résultat de tes mauvaises lectures. Quel plaisir peux-tu trouver à ça? Celui de sentir contre moi un être délicat, fragile. À quoi ça t'avance-t-il puisque tu ne vas pas plus loin? C'est une jouissance de vieux monsieur. Oh. Tu n'es qu'un corrupteur, pas même un fricoteur. Voilà ce que tu es. Oh, c'est dégoûtant. Tu ne seras jamais l'initiateur. Ah, mais qu'en sais-tu? J'en épouserai peut-être une un jour. Oh oui, tu es bien capable de te marier avec une jeune fille qu'on t'aura présentée comme ça un soir dans un bal. Oh, quelle banalité. Ah, oh, mieux vaut 100 fois épouser sa maîtresse. Et pourquoi n'épouses-tu pas la tienne? Parce qu'elle ne veut pas se marier avant sa mère. Elle me l'a dit, je ne veux pas être mariée et que maman reste fille. Le concert est fini, on éclate en applaudissements. C'est un plaisir de chanter avec lui. Oh, le fait est que vous vous complétez admirablement. Quel beau coup! Quel ravissant duo. C'est une joie de vous entendre. Oh, madame, je ne vous fais pas de compliments. Vous m'avez donné le grand frisson. C'est vrai. Rien qu'à vous écouter, nous étions devenus tout pâles. Il n'exagère pas. Comment vous remercier du plaisir que vous nous avez fait? C'est bien simple. En vous occupant des jeunes filles, en leur offrant le bras pour les conduire au buffet, pendant qu'on va ouvrir les fenêtres dans le grand salon pour donner un peu d'air. Il faisait une chaleur là-dedans. Alors, il y a des jeunes filles qui doivent littéralement mourir de soif. Et elles espèrent le bras protecteur sur lequel s'appuyer pour glisser vers des coupes de champagne. Vous avez compris. Elles n'ont donc pas de frères, pas de parents, pas d'amis. Allez, allez. Madame, voulez-vous me présenter à Mademoiselle Jadin? Ah, que vous avais-je dit? N'est-ce pas qu'elle est jolie? Ah, ravissant. Et puis, c'est une vraie jeune fille. Elle vient d'avoir 18 ans. Elle fait ce soir son entrée dans le monde. C'est son premier bal. Promettez-moi d'être très convenable. Je n'ai pas l'habitude. Oh, c'est que je vous connais. Vous avez une réputation. Ah, je vaux mieux que ma réputation, je vous assure. On va danser, n'est-ce pas? Oh, il est déjà tard. On va faire 2 ou 3 tours de valse avant le cotillon. Madeleine, je vous présente Monsieur Prabert. Mademoiselle, voudrez-vous me faire l'honneur de m'accorder la première valse? Oui, monsieur. Vous n'avez pas soif, mademoiselle? Si, monsieur, j'ai très soif. Me permettrez-vous de vous accompagner au buffet? Maman, je te retrouverai ici. Oui, ma chérie. Tu me retrouveras ici, dans ce petit salon. Vous êtes là tout seul, Ebens? Mais oui. Vous ne vous amusez pas beaucoup, peut-être? Je ne m'ennuie pas. Comme Madame Erstein a bien chanté. J'ignorais qu'elle possédât ce beau talent. Comment? Vous ne saviez pas? Ah, c'est vrai, vous êtes plus parisien. Dame, partie depuis 8 ans et arrivée d'avant-hier. Ah, c'est juste, c'est juste. Eh bien, oui, ma femme est passionnée de musique. Et elle chante gentiment. Oh, elle chante tout à fait comme une artiste. Ça doit être bien agréable pour vous. Oui, oh, oui, agréable, oui. Oh. Il y a les gammes. Les gammes, ah, les gammes. On n'arrive pas à ce résultat-là sans faire beaucoup de gammes. Tout se paye. Vous ne venez pas prendre quelque chose au buffet, une coupe de champagne, non? Merci, je vais m'en aller. Je suis un peu dépaysé, vous comprenez, après quelques années d'absence. C'est étonnant comme tout change à Paris. Je ne connais plus personne. Mais restez donc, je vais vous présenter à ma nièce. C'est cette très jolie personne que vous voyez là. Non, pas celle-là, l'autre là, qui a l'air d'un vent de loup. Là. Ah, en effet. Ah, vous ne voulez plus vous en aller hein, maintenant. D'ailleurs, vous l'avez connue quand elle était plus jeune fille, Flou Moon. On l'appelait Flou Moon. Ah, c'est Flou Moon. Oui. Je ne l'aurais pas reconnue. Ah, ben, je m'en doute. Elle est mariée maintenant. Elle s'appelle Madame Lacorte. Allez, venez, je vais vous présenter, ou plutôt vous représenter. C'est une adorable bavarde. Elle vous mettra vite au courant. Pauline! Pauline, mon petit! Permets-moi de te présenter, monsieur Ebens, un de mes bons amis que tu connais déjà. C'est un de nos prospecteurs les plus remarquables. Je l'ai envoyé en Anam étudier le terrain. Et il vient de découvrir des mines d'or qui font parler d'elle. Je reconnais très bien, monsieur Ebens. Vous avez laissé pousser votre barbe? Et quelle mémoire vous avez, madame? N'est-ce pas, monsieur? Et vous avez bruni? Le soleil. J'allais vous le dire. Ça vous va très bien. Non, mais imagine-toi qu'il voulait s'en aller. C'est un cri. Oh, parce qu'il ne connaît personne. Oh, c'est un enfantillage, alors. Alors je te l'ai amené pour le mettre au courant. Je crois bien. Ce sera une bonne action. Je ferai de mon mieux, mon bon oncle. Je vous laisse. Je ne sais pas ce que je viens d'apprendre. Erstein va être nommé président de la Chambre syndicale des constructeurs. Cet homme qui n'a jamais rien construit, c'est admirable. Ne parle pas si haut. Ne t'indigne pas ici, ce n'est ni le moment ni le lieu. Tu t'indigneras à la maison. D'ailleurs, les honneurs viendront aussi pour toi. Aie un peu de patience, tu sais bien qu'on s'en occupe. Mais je t'affirme que si au 14 juillet prochain je ne suis pas décoré, je quitte Erstein. Et où irez-vous? Je ne suis pas embarrassé. On m'offre des affaires superbes. Seulement en France, nous sommes timorés. Il ne faut pas hésiter à se déplacer et au besoin à s'expatrier. Oh. Quoi hein? Mais je ne dis rien, mon bon ami. Eh bien, nous irons à Beauvais. Nous irons à Beauvais. On me propose d'acheter la maison de Belker, qui deviendra la maison Jadin. Et si je me donne du mal, ce ne sera pas pour Einstein, mais pour moi. Oui, parfaitement, oui. Vous êtes très documenté. Nécessairement. Continuez, c'est très intéressant. Alors, Madame Erstein? Oui, et le jeune homme avec lequel je causais quand mon oncle nous a interrompus, c'est Monsieur de Meillan, le prédécesseur de Fontenay, celui qui chantait Samson ce soir avec ma tante, et qui est le ténor qu'elle aime pour l'instant. Naturellement, de Meillan trouve que Fontenay ne sait pas chanter, qu'il a une voix blanche et que c'est l'abomination de la désolation. Quant au grand prêtre, C'est un petit jeune homme qui est aussi amoureux de ma tante et s'est mis à chanter pour l'approcher plus facilement. Eh bien, ça marche. Tu mets Ebens au courant? Oui, mon bon oncle, je fais de mon mieux. Oh, ce chouette, je suis tranquille. Je vous le disais bien, vous êtes en de bonnes mains. C'est toujours drôle. Vous êtes méchante, vous. Je suis très gentille, au contraire. Voyons, vous vous ennuyez avec moi? Pas une minute. Vous me faites si bien les déshonneurs de la maison. Dites-moi, est-ce que ce n'est pas Frédière, l'avocat qui est là près de la fenêtre? Eh oui, c'est lui. Avec qui donc ose-t-il? Quoi donc? C'est vrai, au fait, vous ne pouvez pas savoir. C'est Madame Jadin, la femme de l'associé d'Ernstein. Ah. Je vais vous raconter ça. C'est tout un roman. Mais ne restons pas là, d'autant plus que nous devons bien les gêner. Figurez-vous qu'ils étaient amis d'enfance et il paraît que depuis l'âge de raison, ils s'aimaient à la folie. Les Jadins sont venus à Paris, naturellement. Nous sommes seuls. Oh, seuls? Tout le monde est au buffet. Maintenant, tu peux me dire si j'ai une jolie robe, si je te plais. Prenez garde. Comme vous êtes prudent. Comme vous l'êtes peu. J'ai l'occasion de causer avec vous, j'en profite. Je ne vous vois plus. Tous ces temps-ci, vous n'êtes pas venu déjeuner ni dîner une seule fois à la maison. Vous savez pourquoi? Je travaillais. Nul plus que moi ne respecte votre travail. Vous avez dîné en ville, pourtant. Il y a des obligations auxquelles je ne peux me soustraire. Enfin, comprenez donc que dans ma situation... C'est vrai, j'ai tort. J'empiète sur votre existence et j'ai l'air de contrôler vos faits et gestes. Alors, ça vous impatiente. Je suis maladroite, n'est-ce pas? Mais non. Oh, j'obéis à la règle commune qui veut que lorsqu'une femme se croit moins aimée, elle se rende encore moins aimable. Vous êtes sévère envers vous-même et vous vous alarmez sans raison. C'est votre faute. Vous avez un air singulier ce soir. Vous n'êtes pas comme d'habitude. Mais si, je vous assure. Mais non, je vous jure. Voyons, vous n'êtes pas fâchée. Je ne vous ai rien fait. Oh, Claire, fâchée. Pourquoi? Je ne sais pas, moi. Quelquefois, il faut aussi peu de choses. Alors, je cherche. Vous ne me trouvez pas trop décolletée? Je sais que vous n'aimez pas ça. Mais non, il me semble que vous êtes décolletée comme les autres femmes. Comme les autres femmes? Oui. C'est effrayant, ce que vous venez de dire là. Pourquoi effrayant? Si vous ne comprenez pas, c'est pis encore. Vous attachez à mes paroles un sens qu'elles n'ont pas. Vous avez raison, je vous demande pardon. Ne faites pas attention, je suis très maladroite. Je le sens bien. Ah. On respire. Comme il fait doux. C'est par un pareil soir, il y a 5 ans, au mois de juin, que nous nous sommes retrouvés ici. Vous vous souvenez? Oui, je me souviens. Nous étions assis là-bas, sur ce banc, auprès des magnolias. Madame Ernstein et de Meillan chantaient et s'embrassaient tour à tour. Mon mari examinait des plans avec Ernstein. Cependant, vous me persuadiez que vous ne m'aviez pas oublié. Vous me disiez des choses infiniment douces, et vos paroles me grisaient délicieusement. Le ciel était plein d'étoiles, et sans doute à ce moment-là, la petite étoile qui préside à ma destinée a dû briller d'un plus vif éclat, car il faut bien croire que tout cela devait arriver et qu'une passion était inévitable. Vous ne le croyez pas? Alors pourquoi Ernstein avait-il rencontré mon mari la veille? Pourquoi nous avait-il invités ce soir-là? Pourquoi étiez-vous présents? Pourquoi nous ont-ils laissés seuls dans la nuit? Pourquoi sommes-nous venus à Paris? Pourquoi? Pourquoi? Ah! Vous étiez là, Frédière. Je vous cherche partout. Ces dames vous réclament. Ma femme voudrait vous parler. J'y vais. Vous ne m'en voulez pas de vous avoir arraché à Frédière? Oh, arraché? D'ailleurs, ces dames ne le réclament pas du tout. C'est un prétexte pour vous avoir à moi tout seul. Ah, c'est ingénieux. Vous savez que vous avez un très grand succès. On me fait beaucoup de compliments de vous. À vous? Enfin, à moi, c'est une façon de parler. Enfin, on s'occupe beaucoup de vous. On est bien bon. Vous possédez un charme souverain. Voilà la vérité. Et puis c'est un certain air que vous avez et qui vous met au-dessus des autres, hein? Enfin, je vous demande pardon d'être obligé de vous dire tout ça. Vous vous exprimez très bien. Ce n'est pas possible, vous avez quelque chose à me demander. Bon, la seule chose que je vous demanderais est précisément la seule chose que vous me refuseriez. Aussi, je ne vous demande rien. Il y a longtemps que j'y ai renoncé, d'ailleurs. Je vous aime avec un désintéressement fou. Voulez-vous en venir? Oh ben rien, absolument rien. J'avais besoin de vous dire ça. Voilà tout. Mais ce n'est pas seulement pour ça que je vous ai chambré de la sorte. J'ai à vous parler de choses beaucoup plus sérieuses. Dites-moi, seriez-vous disposé à marier Madeleine? Sans doute. Mais je ne tiens pas à la marier tout de suite. Oh. Elle n'a que 18 ans. J'aurais désiré la garder auprès de moi encore un an ou deux. Pourtant, il ne faut pas être égoïste. Et s'il se présentait un très beau parti... C'est une idée que je viens d'avoir. Et vous me connaissez, hein, quand j'ai une idée, je ne perds pas de temps. Alors? Ben, il y a ici ce soir un jeune homme, un de mes prospecteurs, très intelligent. Il revient d'Indochine. Il s'appelle Ebens. Paul Ebens. Pas de parents, pas de fortune. Mais surtout, si je m'en occupe, un très bel avenir. Ah, lui, par exemple, il a une chose contre lui. C'est? Ben, c'est qu'il est sorti le premier de l'école. Ah. Et oui, que voulez-vous? On n'est pas parfait. Hein. Ben, enfin, c'est tout de même un garçon remarquable. Quel âge a-t-il? 30 ans. Mais il est bien. Enfin, physiquement, du moins. D'ailleurs, je vous le montrerai tout à l'heure. Et si comme ça, à vol d'oiseau, il vous plaisait, ben, je vous ferai dîner avec lui la semaine prochaine. Mais vous ne l'avertirez pas. Non! Non! Pas plus que je n'avertirai Madeleine. Oh. Avec ses idées, un mariage par présentation, ça suffirait pour qu'elle ne voulût pas en entendre parler. Et de votre côté, n'avertissez pas ce monsieur Ebens. Parce que les hommes, dans ces circonstances, ont un air de ne pas avoir l'air qui est très caractéristique. Oui. Ma fille, qui n'est pas une bête, ne s'y tromperait pas. Soyez sans crainte, il ne sera pas prévenu. Alors, si ce mariage se fait, je nomme votre gendre directeur de la Société des Mines de la NAM, dont j'établis le siège à Paris. Oui, je lui fais une très belle situation. Si mon jeune ami ne plaît pas à Madeleine, je le renvoie à l'Indochine, où il me rendra encore de très grands services. C'est pas plus difficile que ça. Qu'en dites-vous? Ça ne me paraît pas impossible. Vous pouvez toujours me montrer votre anamite. Bon, alors, venez avec moi. Non, restons-nous jusqu'à la fin. Comme tu voudras, ma chérie, ça ne dépend que de toi. Oh, comme tu as chaud. Tu devrais te reposer un peu. Oui, je vais rester ici avec Freddy. Ah ben c'est ça, c'est ça. Ils vont causer ensemble. Venez, passons par ici. L'anamite est dans la serre, avec les orchidées. Vous voulez bien me tenir compagnie? Et causer un peu avec moi? C'est que je m'en vais. Il faut que je m'en aille. Comme c'est gracieux. Il suffit que je témoigne le désir de causer avec vous pour que vous témoigniez celui de vous en aller. Eh bien, je vous ordonne de rester. Et puis, ne jouez pas à être perché comme ça, c'est ridicule. Descendez. Descendez. Vous devez m'obéir, puisqu'il paraît que je suis la reine du bal. Mais justement, vous avez mieux à faire que de causer avec moi. On va venir vous chercher dans quelques minutes pour danser. Non, on ne viendra pas me chercher, parce que je vous ai réservé cette valse. Vous savez bien que je ne danse pas. Ça ne fait rien, nous allons la causer. C'est que je... Oh non! Non, restez avec moi. Restez avec moi ou sans ça, je serais très offensée. Je croirais que je vous ai fait quelque chose et que vous me fuyez. D'abord, il faut que je vous gronde. Il y a des siècles qu'on ne vous a vu. Vous nous négligez. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à la maison tous ces temps-ci? J'ai eu beaucoup à faire. Ah. Qu'est-ce que vous avez ce soir? Vous n'êtes pas comme d'habitude. D'ailleurs, vous ne me parlez plus jamais comme dans le temps, comme à une amie, à une camarade. Vous n'êtes plus la petite fille que j'ai connue. Vous êtes maintenant une grande demoiselle. Tant pis. Si cette transformation doit faire cesser notre gentille intimité... Et vous imposer des façons aussi cérémonieuses. Alors, c'est vrai? Même pour vous qui m'avez vue avec des robes courtes, je fais jeune fille? Très. Vous faites jeune fille, comme vous dites. C'est au point que tout à l'heure, lorsque vous êtes entrée, je ne vous ai pas reconnue. Oh, que je suis contente! Ah, j'ai beaucoup de succès. Est-ce vrai que je suis si jolie que ça? Que ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous voulez à toute force que je vous fasse des compliments? Oui, à toute force. Eh bien, vous êtes plus que jolie. Et vous répandez tant de clarté autour de vous que malgré soi, on cherche l'appareil électrique qui vous inonde de lumière. Vous savez, comme les petites princesses de Fairy. Mais en réalité, cette clarté est faite de votre jeunesse et d'une grâce si pure qu'il faut bien se garder d'y jeter l'ombre d'un hommage banal. Eh bien, je ne vous en demandais pas davantage. Et je suis heureuse que vous me parliez ainsi. Cela me rend très fière. Et j'avais besoin de cet orgueil, car tout à l'heure, j'ai subi l'humiliation d'être moins délicatement appréciée. Mon danseur... Madame Prabert. Oui, il m'a débité des galanteries un peu directes. Et comme naturellement je me taisais, l'imbécile a sans doute pris mon silence pour de l'acquiescement. Il m'a serré plus fort dans ses bras, il regardait obstinément dans mon corsage, il m'enlevait, mes pieds ne touchaient plus terre, si bien que j'ai dû feindre un étourdissement et je l'ai prié de me reconduire à ma place. Quel goujage! Quoi? Rien. Rien. Que voulez-vous, il faut s'y faire. C'est la danse. Il n'y a rien à dire, c'est la danse. Enfin, moi qui vous connais depuis 5 ans, qui suis votre ami, si je vous prenais seulement la main autrement qu'en vous disant bonjour, ça paraîtrait extraordinaire. Monstrueux. Mais ce soir, le premier venu a le droit de vous enlacer, de vous serrer dans ses bras. Vous êtes offensé qu'il ait regardé dans votre corsage, mais c'est son droit, c'est son devoir. C'est un valseur. Un valseur. C'est effrayant ce qu'un tel titre comporte de privauté et d'immunité. Puis enfin, ceux qui ne veulent pas qu'on voit chez eux n'ouvrent pas leur fenêtre toute grande. Quelle fenêtre? Vous me trouvez trop décolletée? Moi? Par exemple. Vous pleurez? Non. Mais... Je ne sais pas. Au fond, je crois que c'est toujours. Mais vous ne prenez pas au sérieux ce que je viens de vous dire. Je plaisantais. D'abord, ça ne me regarde pas. Non, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas qualité. Du moment que votre mère vous habille ainsi, c'est que c'est bien. Elle sait mieux que moi ce qui est convenable, enfin, ou plutôt, ce qui convient. Mais ce n'est pas à cause de ce que je vous ai dit que vous mettez cette écharpe sur vos épaules? Pas du tout. C'est parce que j'ai un peu froid. Vous aviez trop chaud tout à l'heure. Oui. Mais maintenant, j'ai froid. Je vous assure. Madeleine... Je ne vous ai pas fâchée. Oh non. Non, mon grand ami, vous ne m'avez pas fâchée. Je vous suis reconnaissante, au contraire. Vous ne m'aviez jamais parlé ainsi. Et pour la première fois, il me semble que vous m'avez parlé comme à une femme. Dites-moi bien toujours ce qui vous déplaît en moi, pour que je me corrige. Mais rien ne peut me déplaire en vous, Madeleine. Une fois encore, je n'ai pas le droit de... Je vous le reconnais, à vous seul. Je vous jure que ça me fera plaisir. Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir ça me fera. Oh, donnez-moi toujours cette preuve d'affection. Voulez-vous? D'ailleurs, je ne danserai pas, vous avez raison. La danse est une chose stupide. Non, non, ne faites pas ça. J'ai beaucoup exagéré, je suis allé un peu loin. Non, la danse est un exercice élégant, même salutaire, quand on le pratique sans emportement. Et un bon valseur n'est pas nécessairement l'être abject que je me suis plu à vous dépeindre. Prabert est heureusement une exception. Mais on peut être bon valseur et honnête homme. Il faut certaines qualités que je ne possède pas. Je n'ai jamais pu valser, la tête me tourne. Il y avait même un secret dépit dans mon cas. Ah, c'est maintenant que vous plaisantez et je n'ai plus du tout envie de danser. Si, danser au nom du ciel. Autrement, vous commettriez une incorrection vis-à-vis des jeunes gens avec qui vous êtes engagé. Ce serait une faute grave envers les usages, envers le monde. Et rien n'est plus sévère que le code du plaisir. Il faut danser et ne plus penser à tout ça. Quoi, tout ça? Rien. Rien. Non, il faut danser. Ah, justement, voici un valseur. Mademoiselle... Je crois que vous m'avez fait l'honneur de me promettre cette valse. Parfaitement, monsieur. Comme vous voilà songeur, tout à coup. Ah, vous étiez là. Que disiez-vous donc à Madeleine de si intéressant? Vous étiez tellement occupé que vous ne vous êtes pas aperçu que j'étais là depuis quelques instants. Vous parliez avec une animation. Votre fille me disait qu'elle ne voulait plus danser et... Je lui disais, moi, qu'elle devait tenir au moins les engagements qu'elle avait pris. Je lui aurais donné le même conseil. Je viens d'avoir une conversation des plus sérieuses avec Ernstein. Il veut marier ma fille, Il m'a même parlé d'un jeune homme qui revient d'Indochine. Un garçon de très grand avenir, paraît-il. Il s'appelle Ebens. Vous le connaissez? Il me semble que je connais ce nom-là. Et il vous l'a présenté? Non, il me l'a montré. Il m'a paru bien. Très bien, même. Ernstein doit nous faire dîner avec lui la semaine prochaine. Ce n'est d'ailleurs qu'un projet vague. Il faut avant tout que ça plaise à Madeleine, n'est-ce pas? Mais cette conversation avec Ernstein a été pour moi une brusque révélation. Une révélation? Oui. Évidemment, je savais que j'avais une fille à marier. Je savais qu'un jour ou l'autre, il faudrait m'en séparer. J'avais souvent pensé au mariage de Madeleine. Mais il m'apparaissait indéterminé, lointain. Et voilà que tout à coup, il est question d'un mariage. Comprenez-vous? Oui, je comprends. On me montre un monsieur comme un gendre possible. J'ai une fille à marier. Depuis tout à l'heure, c'est un fait précis, immédiat. Et alors, brusquement, j'ai compris avec une netteté singulière et tardive que j'étais une femme très imprudente. Comment cela? Oui. Il faut penser que plusieurs parties vont se présenter pour Madeleine. Ce soir, elle fait sensation. Je le dis sans fausse modestie, elle est éblouissante. Si ce n'est pas M. Ebens, ce sera un autre. Les parents intéressés prendront des renseignements sur la famille dans laquelle doit entrer leur fils. Si l'on apprenait que vous êtes mon amant, songez donc, c'est épouvantable. Car c'est à l'établissement de ma fille que ça pourrait faire le plus grand tort. Mais vous paraissez bouleversé. Il semblerait vraiment que cette idée que notre liaison puisse être connue vous a surprise subitement. Non. Mais jamais elle ne m'est apparue aussi menaçante que depuis un moment. C'est à ce point que j'imagine que notre liaison est ce soir le sujet de toutes les conversations. Pourquoi voulez-vous? Enfin, ça ne se discute pas, ça ne s'explique pas, c'est une impression, un pressentiment. Une femme, vous savez ce que c'est. Vous ne pourrez jamais empêcher les gens de parler. Étant donné surtout que je suis reçu constamment chez vous et dans la plus grande intimité. Justement, j'ai pensé... Il faudrait peut-être que vous vinssiez moins fréquemment à la maison, que vous espaciez peu à peu vos visites, jusqu'à ne plus venir du tout, de façon que le monde puisse croire... À une rupture. Oui. Je n'avais pas osé prononcer ce mot-là. Alors même que cette rupture sera simulée, car je continuerai de vous voir autrement, n'est-ce pas? Je vous verrai toujours. Sans doute. Mais je vous en supplie, ne vous troublez pas à ce point. Je ferai ce que vous désirez, comme toujours. Je vous obéirai. Je m'exprime mal. Non, je vous comprends bien. Je vous verrai demain, à l'heure habituelle. Nous parlerons de tout cela. Mais ne restons pas ainsi à l'écart et même séparons-nous, ça vaudra mieux. Oui. D'ailleurs, je vous dis au revoir, je m'en vais. Au revoir. Oh, je voudrais que cette soirée fût finie. À demain. Oui. Allons, tenez! Attendez, mettez ça là, et puis vous irez chercher les corbeilles. Vous les mettrez sur le canapé et sur les fauteuils. Vous avez tout ce qu'il vous faut, Bravel. Oui, oui, madame, je vous remercie. Dans combien de temps serez-vous prêt? Oh, dans 10 minutes, un quart d'heure, nous pourrons commencer. Bien! Comme vous êtes beau, Bravel. C'est donc vous qui conduisez le cotillon? Ah oui, ce n'est pas pour mon plaisir, je vous assure. C'est pour le mien, je vous en fiche mon billet. Oui, c'est bien compréhensible, mettez-vous à ma place. J'ai été si longtemps sevré. Alors ce bal, cette musique, ces lumières, ces fleurs, ces épaules, ça me grise. Et pour avoir causé seulement une heure avec vous qui êtes si jolie, si spirituelle, et qui devez être si bonne... Surtout. Je vous aime, il n'y a pas d'autre mot. Je vous aime avec tout ce que ce sentiment comporte. À la bonne heure, vous ne perdez pas de temps. Vous n'y allez pas par 4 chemins. Il n'y en a pas 4 non plus. Ah, vous êtes pressée. Ça pourrait s'appeler le retour du prospecteur. Il n'y a donc pas de femme là-bas? Il y a les congaï. Qu'est-ce que c'est que ces animaux-là? Vous dites bien. Ce sont des petits animaux, des petits êtres passifs et sans intérêt. Et puis, elles sont jaunes. Oh, comme vous avez dû souffrir. Mais je croyais au contraire que dans ces pays d'où vous venez, l'amour est un art très perfectionné. Où avez-vous pris ça? Dans le Kama Sutra. Ah, vous lisez le Kama Sutra? Ça va bien. Je vous assure que les congaï ne sont pas des artistes. Je voulais vous demander si c'est vrai que dans ces pays-là... Hein? Oh non, je n'oserais pas. Mais si, osez. Eh bien... Ah non, je ne peux pas. C'est donc si effrayant. Approchez-vous alors, je vous le dirai tout bas. Ah, maman, je te cherchais. Est-ce que Frédéric est parti? Oui, il vient de partir. Monsieur m'a invité pour le cotillon. Je n'ai jamais dansé le cotillon, alors je vais être très maladroite. Vous vous en tirerez très bien. Il faut d'abord vous familiariser avec les accessoires. C'est ça, allons prendre une leçon de chose. Vous êtes dégoûtant. C'est vous qui m'avez demandé. Quelle horreur! On me l'avait affirmé, mais je n'avais jamais voulu le croire. Vous me dites la vérité? L'impure vérité. J'ai oublié mon éventail. Oh, je dois l'avoir laissé sur la cheminée du grand salon. Je vous le rapporte dans un instant. Dites-moi donc, il n'est pas à plaindre, Frédière. À quel propos dites-vous ça? Parce que je regarde la personne qui cause avec Madame Erstein. Quel rapport cela a-t-il? Comment quel rapport? Vous ne m'avez pas dit tout à l'heure que c'était sa maîtresse? Moi, je ne vous ai jamais parlé de ça. Oh, par exemple, c'est trop fort. Vous ne m'avez pas dit que c'est Madame Jadin. Taisez-vous. Mademoiselle, voici votre éventail. Mais qu'avez-vous? Frappez, venez donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais allez prévenir sa mère, voyons. Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune fille? C'est Mademoiselle Jadin, c'est sa fille. Elle a tout entendu. Oh, vous croyez? Moi, j'en suis sûre. Ah, vous n'êtes pas malin. On voit bien que vous revenez de Bakhmine. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Oui, partons. Partons, je ne veux pas rester ici, je ne sais pas ce que j'ai, je me sens très mal. Vous allez vous prendre quelque chose, Madeleine? Non, allons-nous-en, il n'y a rien à faire. Mais voyons, mon enfant, tu vas peut-être te remettre. Non, je ne me remettrai pas ici. Oh, mais qu'est-ce cet enfant? Oh, mon Dieu, elle est tellement nerveuse, elle me rendra folle. Au revoir, chère madame, et partons. Oh, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Comment vous partez? Vous ne restez pas pour le cotillon? On va danser le cotillon. Non, Madeleine est souffrante. Ayez l'obligeance de prévenir mon mari. Oui, je suis désolée. Oh, je sentais venir ça. Mais j'avais beau vous faire des yeux, vous alliez, enfin. Quand je vous ai poussé le pied, vous n'avez donc pas compris? Je ne croyais pas que c'était pour ça. Oh, quelle cave! Ça m'a donné soif. Venez vous boire. Oui. Quinze jours après, le petit salon des Jadins. Comment va Madeleine ce matin? Toujours la même chose. Oh. Elle n'a pas dormi cette nuit. Alors vers 8h, je lui ai fait prendre cette potion que le docteur a ordonnée. Et enfin, elle s'est assoupie. Je croyais que le docteur, dans l'état de faiblesse où est Madeleine, avait recommandé de ne donner la potion que si c'était absolument nécessaire. Oh, je sais bien. Mais voilà tant de nuits qu'elle ne dort pas. Elle ne mange pas. Si elle ne dort pas, ça ne pourra pas durer bien longtemps. Oh, je suis folle. Mais voyons, Claire, écoute. Si au moins on pouvait savoir ce qu'elle a. Mais voilà plus de 15 jours qu'elle est dans cet état. Oui, depuis ce bal chez les Erstein. Ça fait 15 jours. C'est affreux de voir son enfant malade et de ne pouvoir venir à son secours. Le médecin l'a examinée, auscultée. Il ne lui trouve aucune maladie. D'ailleurs, elle ne se plaint pas. Elle dit qu'elle ne souffre pas. Et pourtant, elle dépérit. Elle a peut-être un chagrin secret, un mal moral dont il faudrait rechercher la cause. Quand tu répéteras toujours ça? Tu penses bien qu'à plusieurs reprises, j'ai interrogé Madeleine. Avec quelle sollicitude. C'est en vain, elle se tait. Elle m'a vue angoissée, pleurant. Une fois. Une seule fois, j'ai cru enfin qu'elle allait parler. Mais tout de suite, elle s'est reprise. Et j'ai deviné derrière son front pâle la volonté, l'entêtement de ne rien dire. Mais que peut-il y avoir derrière ça? C'est dans son cœur qu'il faudrait lire. Oui, dans son cœur. Mais comment? Écoute, j'ai une idée. Quoi? Son journal. Tu crois? Oui. Ce cahier que son père lui a donné et où elle écrit ses pensées, ses impressions. Oh, nous n'y trouverons rien. Qui sait, nous y trouverons peut-être un indice. Depuis 15 jours, elle n'y a rien écrit. Tu sais où il est, ce journal? Oui. Il est dans sa chambre, dans un des tiroirs de son petit bureau. Eh bien, va le chercher, pendant qu'elle dort. Elle a fini par s'endormir? Oui. Faut espérer que ça lui fera du bien. Pauvre petite, c'est désolant. Je ne sais plus comment je vis, je n'ai du goût à rien. Au milieu de tout ça, il faut s'occuper de ses affaires. Enfin, suis obligé de faire quelques courses avant le déjeuner. Je rentrerai à midi, midi et demi. Ou à propos, j'ai reçu ce matin une lettre de Fred hier. Il doit venir tout à l'heure nous faire ses adieux. Ses adieux? Il part donc? Oui, il faut croire. Où va-t-il? Il va à Tunis pour ce procès dont il nous a parlé. Il t'expliquera ça. En tout cas, retiens-le jusqu'à ce que je rentre. Je voudrais bien lui serrer la main avant son départ. Serge, il me reste à déjeuner? C'est bien. Allons, au revoir. Il part. Tu l'as? Oui. Elle ne s'est pas réveillée? Je suis allée si doucement. Elle ne se méfie pas de nous et nous en abusons. Puisqu'elle ne veut pas parler. Tu es sa mère. Tu as tous les droits et tous les moyens de son permis. T'as raison. 1er janvier. Je commence aujourd'hui mon journal. J'ai besoin d'un confident et de matérialiser les pensées qui depuis quelque temps me bercent et m'oppressent. J'ai comme un vertige d'espoir. 4 janvier. C'est aujourd'hui qu'il revient. Ah. Toute cette semaine, sans le voir, m'a paru interminable. Il fait froid, il pleut, et pourtant je suis joyeuse d'une joie que je voudrais crier. Et je comprends ceux qui ont la foi et qui, dans certains pays, le jour de Pâques, s'embrassent dans les rues en disant « Christ est ressuscité ». Jeudi soir, il est venu. Hélas, ma pauvre joie, c'est maintenant de la tristesse. Je suis découragée. Il me parle toujours comme à une enfant. Il ne s'aperçoit de rien. C'est Fred hier. Oui. Ça ne peut être que lui. Et qu'est-ce que tu as? Rien, rien. Oui, oui, c'est bien ça. Elle l'aime. Elle l'aime. Voilà. Ce n'est pas la peine de continuer, nous savons à quoi nous en tenir. Un amour de jeune fille, ce n'est pas bien grave. Ses sentiments à elle ne sont jamais superficiels. Elle l'aime. Mais ce n'est pas une raison pour être malade comme elle l'est. Il doit y avoir autre chose. Lui, l'aime-t-il? Tout est là. Oui. Laisse-moi, veux-tu? Laisse-moi. Oui. C'est toi qui avais mon journal. Pourquoi l'as-tu pris? Pourquoi tu fais ça? Tu n'en avais pas le droit. Il est à moi, il n'est pas à toi. C'est mal ce que tu as fait là. Madeleine, tu oublies que c'est à moi, que c'est à ta mère que tu parles. Je parle à celle qui a pénétré avec effraction dans mes plus intimes pensées, à celle qui a violé mon âme. Tais-toi. Tais-toi. Oh, je n'en ai plus besoin. Je n'y tiens plus, tu peux le garder. Tout le monde peut le lire maintenant, ça m'est bien égal. Tu as tort, Madeleine, de te révolter. J'avais le droit de faire ce que j'ai fait. Alors, pourquoi t'es-tu cachée? Pourquoi as-tu profité de mon sommeil pour te glisser dans ma chambre, pour fouiller dans mes tiroirs? Tu espérais remettre ce livre à sa place avant que je ne fusse réveillée, et je me serais aperçue de rien. Et ta curiosité eût été satisfaite. Malheureusement, tu as mal calculé, et je me suis réveillée avant. Oh, comme tu méconnais ma tendresse. Si j'ai tant désiré connaître ton secret, c'est pour tâcher à consoler ta douleur. Alors j'ai employé le seul moyen qui était en mon pouvoir, puisque tu ne disais rien. Oh, ce moyen te semble arbitraire, déloyal, soit. Eh bien, je te demande pardon. Je te demande pardon. Oh, maman. Et quelle chose si terrible ai-je donc découverte? Tu aimes. Tu aimes, pourquoi t'en cacher? Ça n'est pas un crime d'aimer, ça n'est pas une honte. On n'est pas maître de son cœur. Ce n'est pas ça. Tu te trompes. Ce n'est pas ça. D'abord, je ne l'aime plus. Je ne peux plus l'aimer. C'est fini. C'est bien fini. Va. Madeleine, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mère, je suis trop malheureuse. Tu ne peux pas savoir ce que je souffre. Je te demande pardon. Ce n'est pas ma faute. Je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais rien dire. Mais ma vie est brisée. Oh, à ton âge, comment peut-on dire ça? Oui, brisée, je sais ce que je dis. Oh, j'ai mal. mal. Il me semble qu'on serre mon cœur gonflé dans ma poitrine et puis qu'on le piétine de façon à en faire une pauvre petite chose. Une pauvre petite chose écrasée. Mais je ne peux pas te laisser ainsi. Tu ne peux rien faire. Si, je peux t'entendre, t'écouter. Allons, viens. Viens tout près de moi sur mes genoux, comme lorsque tu étais toute petite. Je ne peux rien dire. Surtout à toi. Pourquoi à moi? Parce que tu es ma mère que j'adore. Oublie alors que je suis ta mère. Dis-toi que nous sommes deux femmes et que les femmes sont égales dans la souffrance d'aimer. Voyons, parle, je vais t'aider. Pourquoi ne peux-tu plus l'aimer? L'autre soir, tu lui as peut-être dit... Je ne sais pas, je cherche, n'est-ce pas? Quelquefois, lorsqu'on a un sentiment profond, on se trahit malgré soi. Et puis, dans l'atmosphère de ce bal, dans la joie d'être jolie et courtisée, tu as peut-être prononcé des paroles significatives, définitives, qu'il n'a pas entendues, qu'il n'a pas voulu entendre. Non, ce n'est pas ça, au contraire. Au contraire. Enfin, ce soir-là, il s'est passé quelque chose. Parle, aie un peu de courage. Eh bien, voilà, c'est une conversation que j'ai entendue. Des gens qui parlaient. Un homme et une femme que je ne connais pas. J'étais assise auprès d'eux. Ils ne savaient pas que j'étais ta fille. Oui, oui, alors? Alors, ils ont parlé de toi et de lui et ils ont dit que tu étais sa... Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Mais tu ne m'as pas laissé... Ah, je devine. Je devine ce qu'ils ont pu dire. Je crois les entendre. Oh, je comprends maintenant ton désespoir et ton silence. Et pourquoi tu m'as parlé tout à l'heure, non pas comme une fille à sa mère, mais comme une femme à sa rivale. Non, non, je ne suis pas ta rivale. Ma pauvre petite, c'est vrai. Tu ne sais pas ce qu'est le monde. Mais un cruel instant t'a suffi pour connaître sa méchanceté, sa légèreté, le ton habituel de ses conversations. Mais ces gens-là ne te connaissent pas. Tu ne leur as rien fait, ils sont donc méchants. Non, ils ne sont peut-être pas méchants. Ils ont dit ça sans y attacher d'importance. Ignorant que tu étais là, et que ce qu'ils disaient ainsi légèrement retombait lourdement sur ton cœur. Car tu l'as cru. Non. Non, je n'ai pas voulu le croire. C'est-à-dire que... Je ne sais pas. Je voulais oublier ces vilaines paroles, mais malgré moi, je les entendais continuellement. Elles résonnaient en moi. C'était l'écroulement du plus tendre idéal en toi et du plus doux rêve en lui. Oh, ces paroles, je les aurais entendues toujours. Ou plutôt, j'en serais morte. Oui, morte. Ne dis pas ça. Oh, il n'y a qu'une heure encore. Je t'assure que je ne tenais pas beaucoup à la vie. Je me rappelle... Ce soir-là, j'étais si heureuse. Je venais de causer avec lui. Et pour la première fois, j'avais eu la certitude qu'il m'aimait. Comment? Oh, il ne me l'a pas dit. Il ne m'a pas fait une déclaration. Il est bien trop délicat pour ça. Mais tu sais, nous autres femmes, nous ne nous y trompons pas. Ça se sent, ces choses-là. Puis, figure-toi, il m'a fait une scène, oui. Oui, une scène de jalousie à propos d'un imbécile avec qui j'avais dansé, un nommé Prabert. Prabert, je te demande un peu. Oh, c'est fou. Il s'est repris tout de suite, naturellement. N'empêche qu'il s'est mis en colère. Et j'étais si contente. Et puis, quelques minutes après, il a fallu que ces gens... Oh, c'est affreux. Alors... Je m'expliquais sa réserve avec moi, sa froideur depuis quelque temps, et pourquoi il ne venait plus si souvent à la maison, comme s'il voulait m'éviter, me fuir. Et puis surtout, cette pensée qu'une chose pareille était l'obstacle à mon bonheur. Mais tu ne le crois plus maintenant. Non, je ne le crois plus. Oh, tu ne le dis pas bien. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu me l'affirmes. Tu me le jure. Oui. Je te le jure. Sur ma vie. Oui. Ou plutôt sur ton bonheur. Car vois-tu, la vie sans bonheur, ça n'est rien. Sur ton bonheur. Mon bonheur, c'est d'être sa femme. Eh bien, puisque tu l'aimes et qu'il t'aime, tu seras sa femme. Me crois-tu maintenant? Oh, oui, maman. Je te crois. Oh, je te demande pardon. Oh, si tu savais quel poids de moi j'ai là. Je respire, je revis. Je vais bien me porter, je le sens, je te le promets. Tu n'auras plus de chagrin à cause de moi. Je ne te ferai plus jamais pleurer. Madame, c'est Monsieur Frédière qui désire parler à madame. Ah, dites à Madame Chenevas de venir. On fera entrer Monsieur Frédière quand je sonnerai. Bien, madame. C'est lui. Je ne veux pas le voir. Je me sauve. Que vas-tu lui dire? Surtout, interroge-le adroitement. N'aie pas l'air de me jeter à sa tête. Enfin, je me rapporte à toi. Mon bonheur est entre tes mains. Tu peux t'en rapporter à moi. Tu m'as fait demander? Oui. Frédière est là. Je voudrais lui parler. Emmène Madeleine. Reste avec elle. Oui. Bonjour, Claire. Comment allez-vous? Pas bien, mon pauvre ami. Comme vous pouvez le penser. Comment va Madeleine ce matin? Mieux, je vous remercie. Ou plutôt, j'espère qu'elle va aller mieux. Oh, je viens de passer 2 semaines affreuses. J'ai beaucoup réfléchi. Il faut même que je vous parle très gravement. Depuis quelque temps, la vie devient très sombre autour de moi. Et au milieu de trop de soucis de toutes sortes, j'ai compris. J'ai senti que je ne devais plus vous aimer comme par le passé. Oh, je vous garderai toujours, vous n'en doutez pas, une grande affection. Et je vous demande de transformer tous les deux d'accord, en amitié, avec tout ce qu'un tel sentiment peut contenir de fidélité, de sécurité, de dévouement et aussi de souvenirs. Un autre sentiment qui comporte, lui, bien des tourments et des remords et peut-être des désastres. Une telle proposition de ma part vous surprend? Je l'avoue. Mais comment un tel changement? Je ne suis plus la femme que vous avez connue. Oui. J'ai cru jusqu'ici que l'amour était tout. J'ai été imprudente, jalouse, sensuelle, exclusive, passionnée. Mais voyez-vous, il y a tout de même d'autres choses. Je m'en aperçois bien aujourd'hui. Et il a suffi que Madeleine tombe malade pour que je me croie punie en elle. Et que mes sentiments envers vous se soient transformés. Vous avez été, pendant 5 années, Jacques, ma seule raison de vivre. Vous resterez, quoi qu'il arrive, celui que j'aurais uniquement aimé. D'ailleurs, il paraît que vous partez. C'est seulement tout à l'heure et par Étienne que j'ai appris cette nouvelle. Ne vous en offensez pas. Tous ces jours-ci, je n'ai pas pu vous parler au milieu de vos inquiétudes. D'ailleurs, la date de mon départ n'était pas absolument décidée. Mais, en effet, je quitte Paris après-demain. Oui. Vous partez parce que vous ne m'aimez plus. Claire, pourquoi dites-vous ça? Parce que je veux venir au secours de votre faiblesse. Au-devant de votre pitié. Il se passe en vous un drame poignant, car non seulement vous ne m'aimez plus, mais vous en aimez une autre. Je vous jure. Vous en aimez une autre. Non. Et c'est ma fille. Non, Claire, je vous jure, vous vous trompez. Ah, tant pis alors. Parce qu'elle vous aime. Et ce qui est plus grave, elle a pu croire que vous l'aimiez. Je ne lui ai jamais dit. Ah, tu vois bien. Eh bien, c'est ce que je voulais savoir. Tu n'es qu'un misérable. Oh, c'est monstrueux ce que tu as fait là, ça n'a pas de nom. Je comprendrais que tu me quittes pour te marier, que tu choisisses une jeune fille. C'est dans l'ordre. Mais pas ma fille, non, pas celle-là. Elle aurait dû être sacrée entre toutes. Tu n'aurais même pas dû l'effleurer d'une pensée. Tu y as pensé pourtant. Mais vous vous égarez, Claire. Mais quel projet me prêtez-vous donc? Il n'y a encore pas bien longtemps, je la considérais comme une enfant, comme la petite fille que j'avais connue. Et ce n'est que du jour où j'ai senti le trouble qu'elle éprouvait auprès de moi, que j'ai compris la nature du charme que j'éprouvais auprès d'elle. Et son amour m'a révélé le mien. Alors j'ai voulu fuir, j'ai voulu ne plus revenir dans cette maison. Et la première, rappelez-vous, vous vous êtes alarmée de mon absence. Il n'y a donc pas eu préméditation de ma part, ni trahison envers vous. Je ne me suis pas fait aimer d'elle. Je ne lui ai jamais dit une parole d'amour. Je ne me défends ni ne m'accuse. Je vous explique sincèrement. Cruellement. C'est la même chose. Je vous explique ce qui s'est passé en moi. Et vous devriez me croire, Claire. Je vous en supplie, vous devez me croire. La preuve, c'est que j'ai décidé de ne plus la revoir. Je vous crois. Je vous crois, mais ce n'est pas moins horrible pour moi. Songez donc. Vous deux. Vous deux. Je ne puis rien dire. Mais Claire, écoutez-moi. Oh, laissez-moi. Ne me dites plus rien. J'avais résolu d'être plus vaillante, mais c'est plus fort que moi. Je ne vous en veux même pas. Je ne suis pas jalouse de ma fille, n'est-ce pas? J'ai eu tort de vous attirer ici, d'organiser votre intimité dans cette maison. J'aurais dû prévoir qu'un jour Madeleine aurait 18 ans. Mais on ne pense jamais à cet autre danger. Et que vous retrouveriez en elle, on dit qu'elle me ressemble. Votre premier jeune amour en moi. Mais... Oh, ne protestez pas! Si vous saviez comme tout ça m'est égal, maintenant. Je ne tiens plus à rien. Une heure comme celle-ci vous vieillit plus que 20 années. Mais il ne s'agit déjà plus de moi. Il s'agit de ma fille. Qu'allez-vous faire? Je vous l'ai dit, je vais partir et je ne la reverrai plus. Je ne peux pas annoncer ça à Madeleine. Vous n'avez rien à lui annoncer. Elle sait que vous êtes là. Et après l'explication que je viens d'avoir avec elle... L'explication? Oui. Je viens d'apprendre tout à l'heure et d'elle-même pourquoi l'autre soir elle était partie bouleversée de chez les Einstein. Elle m'a avoué que ce soir-là elle avait surpris une conversation qui lui a révélé notre liaison. Comprenez-vous? Et alors? Alors? Je lui ai crié que ce n'était pas vrai. Je lui ai juré sur sa vie, sur son bonheur, et pour faire un tel serment, je n'ai pas hésité, je vous assure. Oh, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Oh, oui. J'ai été plus loin. Et pour que malgré ce serment, il ne subsista plus aucun doute en elle. Puisqu'elle vous aime et que vous l'aimez, je lui ai dit qu'elle serait votre femme. Comment? Vous voudriez que j'épouse Madeleine? Mmh. Enfin, voyons, Claire, vous n'y pensez pas. C'est impossible, je ne veux pas. Je ne peux pas. Et c'est vous qui me proposez ça. Enfin, vous n'avez donc pas réfléchi, vous n'avez pas songé à la situation épouvantable qu'une telle solution créerait entre nous. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Madeleine. Elle ignorera, c'est l'essentiel. Mais supposez que plus tard, elle apprenne la vérité. Elle aura le droit de vous reprocher d'avoir installé son bonheur sur une complicité. J'ai juré à Madeleine que je n'avais pas été votre maîtresse. Et je lui ai promis qu'elle serait votre femme. Nous sommes engagés vis-à-vis d'elle. Vous êtes engagés, mais pas moi. Nous sommes solidaires. Oh, mais voyons, Claire, une chose pareille est impossible, n'est-ce pas? Non, Claire, écoutez-moi, je suis prêt à tout, je m'en irai pour toujours, je disparaîtrai complètement s'il le faut. Je recommencerai ailleurs, n'importe où, une autre vie. Et pour Madeleine, je serai comme mort. Alors, elle dira, c'était donc vrai. Mais non. Dites-lui qu'elle s'est trompée, que je ne l'aime pas. Car enfin, je ne lui ai jamais rien dit qui l'autorise. Votre accès de jalousie l'autre soir a éclaté devant des yeux clairvoyants. Ou alors, il fallait être plus maître de vous. Pourquoi ai-je connu Madeleine? Ah oui, vous avez eu tort de m'attirer chez vous, j'ai eu tort de ne pas résister. Alors, votre fille a grandi auprès de nous, dans l'influence éparse de notre amour, dans l'atmosphère contagieuse de l'adultère. Et... de compromission en compromission, nous en arrivons aujourd'hui à discuter, à oser discuter, une infamie, une sorte d'inceste. Un véritable crime. Non. Combien de drames intérieurs se déroulent autour de nous dont nous ignorons les dénouements silencieux. Et hypocrite. Et douloureux. Oh, la douleur n'est pas une excuse. Mon excuse, c'est que depuis 15 jours, j'assiste à l'agonie de mon enfant. Et il n'y a que ce moyen de la sauver. Vous êtes hypnotisé en ce moment par cette idée que votre fille peut en mourir. Et cette idée-là vous cache tout le reste. Mais elle a 18 ans. 18 ans, c'est-à-dire toute la vie devant elle pour oublier. Et elle oubliera. Et si elle n'est pas de celles qui oublient ? N'y eut-il qu'une chance pour qu'elle en mourût, c'est cette chance-là que nous devons conjurer. Ah, tenez, vous auriez mieux fait de lui dire la vérité. Oh, vous ne parleriez pas ainsi si vous l'aviez vue. Si comme moi, vous aviez tenu dans vos bras une malheureuse enfant pâle et tremblante. Si comme moi, vous aviez lu dans ses yeux anxieux la terreur de ma faute et la honte de son amour souillé. Vous comprendriez que je n'ai pas eu le courage, la cruauté de lui dire la cruelle vérité. Oui, j'ai tout promis. J'ai tout juré, parce qu'au-dessus de la vérité, il y avait sa candeur et sa fragilité. Parce qu'avant tout, il y a la pitié. Et puisque vous parlez de crime, le véritable crime était de frapper mortellement, peut-être, une innocente. Entendez-vous, une innocente. Si vous ne pensez pas ainsi, annoncez vous-même à Madeleine votre résolution. Dites-lui que vous partez et que vous ne reviendrez plus. Si vous avez décidé que là est votre devoir, prenez-en devant elle toute la responsabilité. Et épargnez-moi du moins les tortures d'une nouvelle explication avec mon enfant. D'ailleurs, je ne pourrai plus. Je suis à bout de force. Je vais la faire appeler et vous lui parlerez. Mais vous n'y pensez pas, Claire. Que faites-vous là ? Il le faut. Madame a sonné. Dites à mademoiselle de venir. Bien, madame. Comment voulez-vous que je lui dise ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous trouverez sans doute les raisons que je n'ai pas su trouver. Tu m'as fait demander, maman ? Oui, ma chérie. Fred hier voudrait te parler. Ah ? Comme vous me regardez, vous me trouvez changée, n'est-ce pas ? J'ai été très malade, vous savez. Très malade. Je le vois bien. Oui, je le vois bien. Mais vous m'effrayez. Vous avez l'air de ne pas me reconnaître. Je suis donc changée à ce point-là. Oh, je ne dois pas être très jolie. Et je ne suis guère coquette pour paraître devant vous avec une figure pareille. Mais vous avez à me parler ? Oui. Je viens vous dire adieu. Comment adieu ? Vous partez ? Oui, oui, je pars. Pourquoi me dites-vous adieu et non pas au revoir ? Vous partez donc pour toujours ? Je ne vous reverrai plus. Je ne vous reverrai plus. Non. Non, non, Madeleine, je reviendrai. Je reviendrai. Je suis obligée de partir. Lorsque j'ai pris cette décision, votre mère ne m'avait pas encore parlé. Je ne connaissais pas encore vos sentiments, mais s'ils n'ont point changé, à mon retour... Voici ma mère, mon grand ami. Quoi qu'il arrive, mes sentiments à moi ne changeront jamais. J'ai laissé Tante Alice très inquiète. J'ai promis de la rassurer. Je vais la chercher. Vous aviez raison. Quand j'ai vu cet enfant, mais vous, qu'allez-vous devenir ? La vie est finie pour moi. Elle continue pour vous. Vous oublierez. Et je me résignerai. Tout de même, notre part n'est pas égale. Vous savez bien qu'en amour, c'est toujours la femme qui expie. Je vous vénère. Je suis une malheureuse. Thank you. Vous venez d'entendre « L'autre danger » de Maurice Donnet, avec Sylvie Hertel, Claire, Christian Riel, Frédière, Maud Reyer, Madeleine, Jean Levray, Étienne Jadin, Henri Poirier et Nadia Barentin, Monsieur et Madame Ernstein, et Pierre Ferval, Luc Ponette, Jacques Josselin, Robert Daram, Claude Barret, Odile Poisson, Olga Nilza, André Gire et Fanny Marette. Chef opérateur du son, Lucien Moncel. Collaboration technique, Jacqueline Rieux. Assistante, Marie-Rose Derouet. C'était une émission du Théâtre populaire Juin 44, production Maurice Bertrand, réalisation Evelyne Frémy.